Nous sommes aussi également avec notre grand ami Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Grand ami Sherlock. Oui. J'ai dit grand ami Sherlock. Ah, pardon. Oh, non. Sinon, j'aurais dit gros ami. C'est un gros ami. Et grand ami Sherlock. Ça commence bien. Alors Sherlock, évidemment, 21h, tu vas nous parler du rétro ciné 80. C'est ça, ouais. Avec dans un film ciné de... rétro 80. Ouais, ciné rétro 80, avec un film de l'année 1985. D'accord, alors est-ce qu'on va mettre moins de 10 secondes pour le trouver? J'en sais rien, franchement. Maintenant, je fais plus de pronostics. Ça va être un peu compliqué. Ouais, je pense quand même. Parce que celui... Bah, enfin, il est connu, mais voilà, quoi... Ouais. Mais il est connu, quoi. Il va vraiment, et il va commencer à les chercher, en Hongrie, en underground, en 80, traduit non, en non, français. Non, pas du tout. Pour qu'on essaie. Donc il y a eu, voilà, 17 spectateurs dans une salle en Hongrie le 7 mai 1985. Film en noir et blanc, muet. Et là, t'as Harry qui fait, ah, mais oui, mais c'est bien sûr, avec avec Onissa. Je plaisante. Bon, il y aurait beaucoup. T'as jamais été en Hongrie, mais t'aurais pu tourner un film avec un hongrois. On y sort en 1985, il y aurait eu beaucoup plus que 17 spectateurs. Oui, ah, parce que maintenant il y en a 15 ans, donc ouais. C'était quand même un peu. Mais plus... même encore aujourd'hui, on y sort, si elle jouait dans un film, elle aurait beaucoup plus que 17 spectateurs, honnêtement. Ouais, ouais, ouais, c'est clair. Bah, déjà, bah, on est déjà 5. Ça fait 23. Bah, l'association des aveugles de France est déjà 370 000 abonnés, je crois. Oui, mais eux, ils m'écoutent. Ouais. Bah bon. Forcément ils peuvent pas te voir donc... Et évidemment à 22h il y aura les sorties Cinoche, donc tu nous parleras, donc tu nous donneras envie de sortir au cinéma. Oui, hein, évidemment. Enfin j'espère, ou pas. J'espère vous ou donner pas, envie ou pas. C'est rare hein, mais ça arrive. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer en trombe avec un premier tirage au sort du Défi Mix 80. Stéphane, moi ce que je te propose, c'est de nous rappeler un peu le principe du Défi Mix 80 si vous ne le connaissez pas encore. Cher Jean-Pierre. Alors, il sort sa vieille enveloppe de la poste. Ça a changé l'année prochaine, quand même. Alors, le principe du Défi Mix, c'est dans ce sac que vous ne voyez pas à la radio, il y a des titres années 80, je ne sais plus combien, il faudrait que je recompte d'ailleurs. Ah oui, 500, 600, je ne sais plus où. Ah, ouais, peut-être, ouais. Onissa va s'y coller, alors, évidemment. Tout style confondu, vous avez tiré au sort 6 titres, et l'objectif, bah, ça va être d'essayer d'en faire quelque chose, de mixer tout ça. Alors, une session d'une quinzaine de minutes et je sens que ça va être encore sympa. Ça va être terrible. Canon, à toi de jouer aussi. Allez. Sherlock, tu auras droit après, hein, je te ouais, promets. Ouais, ça marche. Allez, tu auras le zizi de Carpéré, c'est promis. Spécial dédicace. Sherlock, oui. Je joue avec Onissa et après tu auras droit. Allez, honneur à Onissa. Alors, je te rappelle, Onissa, que tu tires au sort, tu donnes le titre et en même temps tu dois le chantonner. Obligation. Ah oui. Alors, Eurythmics, Sweet Dreams. Ah bah oui, bah alors, vas-y. Sweet Dreams are made of sea. Non, mais c'est Annie Lennox. Non, t'es pas obligé de chantonner finalement. On verra quand c'est ton tour. Ouais, je rigole, mais ouais, forcément. Et alors, Cooking Dingler. Ah bah oui. Femme libérée. Oh. Ah bah vas-y, tu peux le faire. Attends. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Non, je sais que c'est pas facile, ouais. Mais j'assume quand même. Canon, elle a à toi de jouer. Alors, Liman, là, avec Never Ending Story. Never Ending. C'est quoi? Ah oui, Never Ending Story. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Alors, l'histoire s'en fout. Bon courage. When my hand, when in my hand, I want to send tears around. Ah, j'ai oui, pas les. Ça. Oui, c'est ça. Na, well, I just to send. On a vu mettre quelque part. Attends, non, mais attends. In your land alone, he never on me. Ah, excuse-moi, Canon, mais il n'y a aucun siège qui s'est retourné là. Allez, je continue. Alors. Essaye You Raise Me Up pour voir. Canon avec Je t'emmerde. Non, because Madonna causing a commotion. Je connais pas. Madonna causing a commotion. Causing locomotion. Je connais The Locomotion de Kylie Minogue, mais causing a commotion. Je me demande si. Je me demande si c'était pas... à un moment donné, elle a fait une comédie musicale ou un... Non, où il y a eu un film... Ah, Who's That Girl. Who's That Girl. Je me demande si c'est pas tiré de... Ah, c'est peut-être tiré de ce film. Ouais, ou de Recherche les Indésespérément, peut-être. Ouais, parce qu'elle jouait dedans aussi, il me semble. Enfin, bah oui, forcément. Je serais incapable de vous la fredonner, je ne la connais pas. On redécouvrira non, ça. Non, c'était pas Suzanne Sarandon. Oui, Suzanne. Non, c'était. D'accord, bon. Mais non, c'était Arquette. Oui, c'est ça. Bah oui. C'est Rosanna. C'est la Rose. Oui, c'était Rosanna. Ouais, Rosanna, ouais. Et non pas. Patricia. Patricia. Je préfère Patricia. Et ils vont nous faire une émission RTL, là. Encore que si je me souviens bien, il y avait une Dorothée dans le fond. Alors, ah oui, j'ai regardé. Moi, j'en ai deux. Non, bah, heureusement. Franchement, et sincèrement, le titre, il est d'une longueur. Je crois qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet dedans. Je promets. The Love Unlimited Orchestra with Webster Lewis Welcome Aboard. Oh putain, c'est vas-y, chante à nous, s'il te plaît. C'est ça, bah. Non, c'est comme ça, c'est. C'est eux qui ont joué avec Barry White, c'est ça, non? Ouais, mais alors c'est pas. Tant, oui, c'est ça. C'est nous, mais non. Ah oui, j'adore. C'est j'adore. C'est l'habitat du dude, ça, non? Alors, par contre, je savais. Et vous rendez compte que le titre, c'est The Love Unlimited Orchestra with Webster Lewis. Ben adieu, ça fait long, hein, hein, contrairement à d'autres. Pour être long, c'est long, hein, mais quand c'est long, c'est bon. Ah, je sais pas, c'est toi qui l'as dit. Vous dites de moi, vous êtes déchaîné, quoi. Ben non, mais on a envie de se détendre ce soir. Je dis, ça fait du bien que j'arrive tard. Ça vous excite. Et le suivant, c'est début de soirée, évidemment, avec La Vie la Nuit. Chante. La Vie la Nuit, tinana. De musique en rêve. Né de l'hiver, crier qu'il fait chaud, ou de folie. Tu vas t'amuser, Stéphane. Oh, ça va être sympa. Alors là, ça va être terrible. J'imagine quand même nos auditeurs qui nous écoutent. Je sais pas comment on arrive à regarder. Non, on doit vraiment être bon, quoi. Attends, un jour le CSA va nous retomber dessus en disant, mais c'est quoi cette émission? Et on lui répondra, c'est quoi le CSA? C'est toujours dans les programmes culturels ou pas? Ben, je ne sais pas, non. Ah, on attend que tu reviennes. On est très culturel, nous. C'est vrai. Bah écoute, moi je vous propose une petite pause musicale pour dire que Stéphane, je puisse essayer de mixer tout ça. Il y a quand même 9h. Alors, donc, avec deux titres, le premier avec Sandra avec In the Heat of the Night, parce que je sens que vous êtes déjà chaud. Et ensuite avec Eat House et Move Your Feet to the Rhythm of the Beat. Celui-là, il est sérieux, il est bien aussi. Ah, il est excellent celui-là. Expliquez-moi les raisons de la bite. Donc on se retrouve tout de suite après ça. Attends, répète-moi. J'ai pas bien compris le deuxième. Attends, tu le connais, vas-y. Eat House, c'est. Alors, c'est quoi? Move your feet. Move your feet. Rhythm of the beat. C'est ça. C'est ça. Et traduction, move your feet. Bouge tes pieds au rythme de la. Au rythme du tempo, en fait, de la cadence. Ah, bah oui, d'accord. 80 à l'heure, l'émission qui te cultive. Vas-y, on va. Allez, bah c'est parti, on se retrouve après ça. Ok, ça marche. I'm your best friend back in town again to get you on your dancing feet. Oui, vous êtes toujours sur RQC 95 FM, c'est l'émission 80 à l'heure. Et donc là, le titre, c'était Hit House avec Move Your Feet to the Rhythm, rock, to the rhythm of the Beat. Alors, 80 à l'heure, il n'y a plus que deux personnes. Ah non, ça va, ça y est. Non, mais on était en train de discuter hors antenne parce qu'effectivement, on organise peut-être des choses. Et d'ailleurs, on te mettra dans la boucle, mon ami Stéphane. Oui, il y a certaines choses, des fois, il vaut mieux pas être en boucle. Enfin, dans la boucle, du moins. Oh non, mais ça te plairait évidemment, ça te plairait d'être dans la boucle, parce que il y a des préparatifs avec Canon d'ailleurs, hein, qui nous prépare peut-être un petit concert qui pourrait se faire dans les studios, voilà. Enfin, j'en dis pas plus parce que c'est lui qui vous en parlera le moment venu, bien évidemment. Et on a le plaisir aussi d'être avec Véro. Véro qui est venue parce qu'elle était un petit peu malade, voilà. Donc après une gastro, donc c'est pour ça qu'elle a fait le tour. D'accord. Elle est là, Véro. Ouais, elle est là. Même les draps s'en souviennent. Voilà. Donc, alors, comment ça va, Véro? Ça va mieux. Ouais. Tiens, prends un micro, prends un micro. Voilà. Touriste. Ça va mieux. Ouais. La merci. Blénorragie va mieux. Oui. On va dire ça. Elle est pas soignée, la blémo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Véro. C'est notre maman à nous. Hein. Et c'est vrai que depuis quelque temps, bon, t'as eu des petits soucis de santé. On est content de te revoir. C'est elle qui s'occupe de nous et qui s'occupe du bar, qui s'occupe de plein de choses. Donc voilà. Et on va recevoir aussi Flip 4 parce qu'il est derrière. Il est derrière. Donc quand il m'a appelé et que j'ai vu le truc, c'était bien lui qui a appelé. Voilà. Écoute, on va le recevoir juste après la première session du Défi Mix 80 de notre ami Stéphache. C'est bah oui. Ouais. Mais alors, beau petit tirage au sort. Rappelle-nous un peu tous les titres parce que là, ça va être. Alors, c'est pas piqué des verres. Alors, Limahl, Never Ending Story. On va d'ailleurs commencer par Limahl. Ah, ça démarre tranquille. Dans le désordre, alors The Love Unlimited Orchestra. Ah oui, mais moi ça j'adore. Hein, ouais. The Love Unlimited Orchestra. Ouais, mais j'adore. The Welcome titre, Aboard. Alors ça, je sais pas quand est-ce que je vais le caler par contre. Ouais, sinon, on a du Cookie Ginger. On est bien d'accord que c'est bien le groupe qui a accompagné Barry White à un moment sur certains titres. Pour moi, je pense que c'est bien. Ouais. J'ai du Cookie Ginger en français, j'ai du Début de Soirée également. Ouais. Ah oui, alors par contre, c'est la vie la nuit. La vie la nuit, ouais. C'est pas le plus. Bah, tu prends Nuit de Folie, tu changes les paroles. C'est le même rythme. Bah, il y en a eu trois, en gros, des chansons de Début de Soirée qui ont été connues. Il y a eu Nuit de Folie, La vie la nuit et Jardin d'enfants. Chance aussi, moi j'ai. Jardin d'enfants, ouais. Dans les jardins d'enfants. Ouais, mais bon. À chaque instant. Il y a beaucoup de prêtres. Non. Ça y est, c'est reparti. Eh, mais t'es dématé, toi. Ça va, ouais. La semaine dernière, c'était toi. Ah non, mais j'ai parlé de pédophile ici 5 minutes, mais. Non. Sinon, j'ai Eurythmics aussi. Sweet Dream, ça va. Ouais, c'est vrai. La vraie version ou une version. Ah oui, la vraie version. On est en années 80 ici. Oui, c'est vrai, mais bon. Elle a été tellement reprise. C'est beau ça. Et bah écoute. Et bah c'est parti, alors, j'entends ça, déjà. Avec c'est avec un Moog ou un DX7, ça Il y avait un Moog. Ah, tu vois, je l'ai reconnu. Ouais. Il y avait un Moog. Il y avait un quoi? Un mug. Un mug. T'entends quand t'entends. Le poum, c'est un Moog. Un Moog. Alors, il fait qu'une note en fait. Excuse-moi. Alors, lui, je vais lui mettre deux baffes. Il veut que j'explique ce que c'est un Moog. Ça fait 5 ans que j'explique ce que c'est un Moog. Et à chaque fois, lui se fout de moi parce que tout le monde sait ce que c'est un Moog. C'est pas le truc où tu bois ton café. Est-ce que c'est qu'un Moog? Oui, parce qu'il l'a déjà expliqué plusieurs fois. Voilà. Et malgré là. Elle en a connu 4. Elle en a connu 4 des Moog. Il y a Moog Tanné. Les Moog Tachi. Sherlock, s'il te plaît. Bon, bah, je crois qu'on va y aller. Vas-y, tu peux y aller. On s'est débarrassé de Nono, c'est pas pour te récupérer, toi. Harry, le matin, il boit son café avec son Moog. Allez, c'est parti pour Défi Mix. C'est bon, ça. Défi Mix 80, et on met le fond. Enfin, chez vous, vous mettez la musique à fond. Le fond à son. To a never.

Qu'est-ce que c'était bien, hein. Vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, 95 FM pour les Belges, et vous étiez en compagnie de notre talentueux Stéphache. Et il a assuré un max. Ouais, merci. Il a assuré un max et il nous a fait un super mix. Et c'était pure année, j'ai bien, c'était pure année 80, ça m'a vraiment ramené autant que j'avais des cheveux moins gris. Ouais. Voilà, c'était très bien. Pas que les cheveux. C'est ça, il avait des cheveux, ouais. Et c'est pas parce que t'es la seule à avoir vu mes poils pubiens qu'il faut en parler à la radio. C'est quoi, on a trois auditeurs. Bon, il est pas encore 22h. J'ai oui, fait et poils pubiens, c'est pas vulgaire. Hein, Tout à l'heure. Vite, c'est vulgaire. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Non, il y a encore tes preuves à faire. Love in Fun, ce n'est pas ici. Ouais, c'est ça, absolument. Comme comment il s'appelait là Nous, c'est la croisière s'amuse. Il y en avait un et à chaque fois quand il disait il faisait son émission, il tapait comme ça, il faisait bon allez tu m'emmerdes, suivant. C'était qui Max Non, ça c'était Ah oui. Non, c'était comment il s'appelait lui? Ah, il était terrible lui. Maurice. Sur Skyrock. Il y avait des gens qui appelaient qui disaient oui, alors moi je voudrais raconter, j'ai un problème machin, il était là, il faisait bon allez tu m'emmerdes, suivant. J'adorais. C'était terrible. On en entend plus parler lui. Ouais, non, mais c'est bizarre. Et la preuve en est. Suivant. Ouais. Et d'ailleurs, Sherlock, quand il fera un truc, on fera. Dégage. Eh bien, on est content de retrouver Flipkat. Dis donc, oui. Il m'a l'air bien fatigué. Ouais, carrément. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, bah, je suis depuis ce matin à 6h, pour ça. Ah. Je suis pas content chez moi, donc voilà. Ah d'accord, la tournée des bars, hein, donc c'est ça. Hein. Ça, c'était ce week-end. Ah d'accord. Oui, c'est la suite. C'est la récup. Là. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes de beau, Flipkat? Parce que, dis donc, on s'est posé des questions. On s'est dit, mais il est pas là. Non, bah, j'essaie de vous parler, mais le problème, c'est que, ben, comme chacun le sait, c'est pas très recommandé de téléphoner en conduisant. Ah oui, absolument. Et sur ça te gênerait, tiens, dis donc. Donc, de ce fait-là, il a arrêté de conduire, il a lâché le volant et il a envoyé un message. Non, j'ai essayé, honnêtement, j'ai essayé de faire défiler mon répertoire, mais les. Comme vous le savez, là, il n'est pas très bien éclairé. Avec le portable sur le genou. Non, tu prends des risques, là. Franchement, j'ai laissé tomber. Et le premier numéro sur lequel je suis tombé, c'est celui d'Homme. Et puis, parce que je sais que de toute façon, toi, tu es sur mes messageries. Tu verras, tu as un appel manqué. C'est vrai. Non, mais moi, le problème, c'est que j'ai pas de réseau belge, moi. C'est intéressant comme programme, sinon. Ouais, c'est ça. Moi, tu m'appelles jamais au Nissa. C'est toi qui as mon numéro. Moi, je l'ai pas le tien. Ah, c'est vrai, je t'appellerai. Sinon, ça va, vous voulez le télé petit gâteau aussi, peut-être? C'est le téléphone rose, là. Allez, on revient sur Stéphane. Pas tous en même temps, si c'est ça. J'ai déjà chaud comme ça. Sur cette première session qui, quand même, Coltonigler, Eurythmics, Limal. L'autre. Universal, machin. Là. Ouais. Orchestra, c'était sympa. C'était très, très, très sympa. Il nous reste quelques minutes avant de découvrir. Non, avant de découvrir le rétro ciné 80 de notre ami. Il reste un petit quart d'heure là. Ouais. Mais avant de faire un tirage au sort de la prochaine session, oui. Moi j'ai le chiffre de la semaine, tiens. Ouais. Ah bon? Allez, je vous donne un chiffre et vous allez me dire à quoi ça correspond. Vas-y. Ça marche? Vas-y. Allez, si je vous dis 13 186, vous me répondez quoi? Flip 4 au repos. Alors, 13 186. Le nombre de quoi? En centimètres? En millimètres? En quoi? C'est un nombre, c'est pas des millimètres. Mais pas alors, des centimètres. 13 000, mais c'est vas-y, 13 000 combien? 13 186, exactement. 13 186. Auditeur, peut-être, non, mais non, c'est pas ça. Qu'on n'a pas alors. C'est ça. Bah, des indices. 186, des indices, c'est un nombre de personnes. C'est très sportif. Ah, c'est la distance parcourue par une personne qu'on a reçue à la radio. 13 000, non. Inch? C'est par rapport au Vendée Globe ou un truc comme ça? Pas du tout, absolument pas. Mais un truc exceptionnel, c'est le record du monde. Record du monde. Déjà, je peux vous dire, c'est un record du monde qui a été battu il y a deux jours. Pour le Téléthon? 13 186. Non, pas forcément. Parce que j'avais entendu des trombones qui avaient été attachés ensemble. Oh non, là, c'est très physique. C'est très, sur 888 mètres. Vous voulez un indice? 8 heures. Un marathon. Le nombre de pompes que quelqu'un a fait en 8 heures. Absolument. C'est pas absolument. Ah oui, le mec, j'ai vu ça malade. J'ai entendu, mais c'est un truc de fou, quoi. 13 186 pompes en 8 heures. Et c'est des vrais, hein. Et ouais. Et c'est Brett Masrant, qui est un Américain, qui a battu le record. Et là, du coup, il va essayer de faire 12 heures. 12 heures de pompes, t'imagines? Alors autant, autant être flip cap au niveau, pompe, au niveau, nous au niveau pompe à bière on est pas mal. Je pense que tu connais. Ceci dit, 13 186 coups de pompe, je vais te dire. Attends, et pompé pendant 8 heures quoi. Litre. Là, mais vous, et vous imaginez quand même le mec, alors je sais pas si vous allez sur Facebook ou si vous allez sur internet, vous allez voir, vous tapez, donc le mec s'appelle donc Brett Masseran, et un américain, donc il a fait plus de 13 000 pompes en 8 heures. Bon, il a fait quelques petites pauses entre les deux, évidemment, pour manger, pour aller aux toilettes, j'imagine, mais bon, 13 000 pompes, j'en fais 50, mais je suis tranquille pour le mois. T'en fais 50, toi? Oh, je vais les voir, et je filme en direct. Oh putain, écoutez bien, moi j'en fais 50, tu fais 50 pompes là maintenant? En 8 heures? Non, en 8 heures, ouais, c'est ça, en 8 heures. C'est ça, 50 pompes en 8 heures, ouais. Bien vu, on dit ça, c'est vrai. Il a dit. Ah bah vas-y, je mets en direct sur Facebook. Écoutez bien, après la pause musicale. Non, moi déjà, je les ai fait la dernière fois. Je te parle des vraies pompes, hein. Ben oui, des vraies pompes, 50, oui, oui, quand même. Moi, déjà, si j'en fais 10, c'est beau. Comment? Tu fais 50 pompes. Oui, certainement, mais pas la pompe à lèvres, la pompe à pédieux. Moi, je dois avoir 4-5 paires de pompes chez moi, mais sinon, à part ça. Ah si, bah 50 pompes, canon, ouais, en fait, quoi, c'est pas si compliqué non, mais, que ça. Non, je sais. C'est dur, mais non, je te confirme, moi je l'ai fait, mais bah, je vais aller faire 50. Bah, ouais. Ah, 50 pompes, ouais, je l'ai fait. Ah ouais, comme ça. Ah oui, oui. Ah, peut-être pas ce soir, mais... forcément. Ah bah si, ça va être drôle. Puis là, tu l'as fait, les 50 pompes? Non, honnêtement, non. 50 pompes? 50 pompes. Des vraies pompes? Ah non, dans la vraie pompe, ça, non. Vraies pompes tractées comme ça, 50? 50? Ouais, tu vas. Et j'en fais, si, moi. Et je vais te dire, 50 comme j'en faisais à l'entraînement à la boxe, je l'ai fait pas. C'est-à-dire sur les points. Ouais, sur les points. Ah ouais, non, mais exagère pas non plus, j'ai fait ah sur non, les mais mains, je te dis, franchement, je l'ai fait pas. Sur un doigt, non, 50 pompes normales, quoi. Non, avec un doigt. Non, mais. Excusez-moi, parce que les auditeurs, j'ai l'impression qu'ils vont pas tout comprendre, et Onissa, elle est morte de rire, je sais pas pourquoi. Tu fais combien de pompes, toi? T'as jamais fait? Moi, je pompe pas. Ouais, j'allais dire, Onissa, t'as jamais fait une pompe avec un doigt. Bon, on va redevenir sérieux. Alors, mais on est sérieux. Ce que je propose, c'est qu'on fasse le tirage au sort donc, du prochain défi mix avant donc, la chronique Rétro Ciné 80 de notre ami Sherlock. On va passer le sac à mix. elle est ingérable. Qu'est-ce qu'on va en faire? On l'a perdu, Onissa. Je sais pas, on l'a perdu. On va le passer donc à Sherlock, tiens. Ah bah c'est, ouais, c'est... Sherlock, bien sûr, évidemment. Stéphane aussi, j'aimerais bien. Non, mais Stéphane, j'aimerais bien que tu tires aussi. Il lit son journal, Stéphane. Allez. Stéphane, vas-y. Moi, je tire aussi deux titres. Il n'y a pas de raison pour que tu ne tires pas non plus deux titres. Véro va le faire aussi. Je ne pas me. Hein, m'autouffe la gelée. J'aimerais bien un petit Annie Cordy, ce serait sympa. Allez, hop. Alors. Allez, Véro aussi. Putain, c'est quoi, allez, ça, en fait, Sherlock, sais, vas-y, premier alors, titre. Alors, moi, c'est Jean-Jacques Lafont avec Le Géant de Papier. Ouh, et, ça, c'est bien mixé. Quand ça, c'est la regarde, moi, l'homme loup au cœur d'acier, devant son corps de femme, next. Je suis un géant de papier. C'est beau, c'est bien à écouter, mais pourquoi j'ai mis ça pour mixer, tu vas galérer, mon gars. Hein. Franchement, je sais pas quand est-ce que tu vas le placer, celui-là, mais. On devrait avoir des buzzers, t'en as qu'un. Ah ouais, j'en ai qu'un. Il fallait en prendre deux. En prendre un deuxième. Attends, tiens. Hop. Et j'imagine les auditeurs qui nous écoutent. C'est un vrai bordel. J'entends plein. Moi, j'ai un morceau. Je me rappelle pas du tout ce que c'est. The Bell Stars. Ah bah oui. Les Bell Stars. Ah bah Sign of the Time. Ah oui. Sign of the Time. Ah bah oui. D'accord. Ok. C'est bon. Merci. Bon, bah alors moi, le deuxième. Tu es obligé de faire le pédage. Je l'ai passé la semaine dernière en plus, il me semble. C'est Miami Sound Machine avec Dr. Beat. Ah bah voilà. C'est c'est un truc dans ce style. Sherlock, s'il te plaît, arrête. Désolé. Sherlock, il est déchaîné, je suis certain qu'il a fait l'amour. Oh Dieu. Bah celui-là n'est plus sextile. Ah bah c'est vrai. Il est déchaîné. Dans 4 ans, on aura un petit frère à Lily. Bon, les mecs, je vais faire des pompes. Alors, sinon, j'ai The Cure. Ah, lequel? In Between Days. Alors là, vas-y. Je croyais qu'il allait repartir sur un truc beat, lui. In beat. C'est in between, normalement, je crois. C'est ça, Flip 4. On dit between. Between. Between. Je te laisse, Sherlock. Tu vois, moi, je pensais between. Non, between. Deux mais je me rappelle pas. Between, c'est des. Non, il n'y a pas deux E, c'est un E. Between. Bah, quand tu dis to be. Ouais, exact. Toi qui es fan des To Be Free. Des To Be Free, ouais. Non, non, tout, c'est Between. Véro, attention. Voilà. Alors moi, pour une fois, je suis contente parce que j'ai deux titres en français. Ah. Par contre, il y en a un, je connais pas en français. C'est Frédéric Chateau, Le Malheur des Uns et Le Bonheur des Autres. Oh, Le Malheur des Uns fait le bonheur des autres. C'est un chien. Oh non. Non. Qu'est-ce que tu me sors? Je connais pas du tout. Oh là là. Si, si, si. Ça, bah, c'est des morceaux qui ne sont jamais passés. Ah non, non, je crois pas. Non, bah non. Et qui passeront jamais plus d'ailleurs. Par contre, le deuxième, vous connaissez tous, c'est Mylène Farmer, Libertine. Ah oui. Ah, vas-y, on t'écoute, Véro. Je suis Libertine. Oui, ça, on le savait. Je suis une catin. Ah bah oui, alors. Et voilà. Et voilà. Voilà. Le coming out, eh ben, ça y est. Eh, Stéphane, je suis à l'heure du boulot là quand même, parce que là tu. Là, c'est pas... Oui, par rapport à la première session, c'est sûr que. Là, tu vas passer du coq à l'âne. Alors moi, ce que je propose, on a un petit peu d'avance, mais est-ce qu'on peut peut-être quand même aller, on fait le rétro ciné 80. Attends, parce que là, tu me prends un peu de cours. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais, forcément. Il prend toujours trop court. Ouais, c'est ça. Ouais, mais alors. Il fait 50 points. Alors donc le rétro ciné 80. Attention, et tout le monde peut participer évidemment. Nom de Zeus, les amis! Montons tous dans la DeLorean. On va mettre une remorque parce qu'on est beaucoup ce soir. Et remontons jusqu'en 1985! On va mettre une remorque. Non, mais bah, écoute, c'est qu'une de place, la DeLorean. Il n'y a pas de boule derrière la DeLorean. C'est vrai, il n'y a pas de boule. Si, si, Sherlock dans le coffre. Ah, Sherlock, j'adore quand tu ris. Oui, désolé. Donc, je vais donc vous parler d'un film ce soir. Donc, je vais peut-être revenir sur un petit peu le principe de la chronique. Bah oui. Je vais essayer de vous faire deviner. Qu'on trouve au bout de 30 secondes. Je rappelle le principe, c'est qu'au bout de 30 secondes, on trouve le titre. Le principe, c'est que j'essaye de vous faire deviner un film que j'ai regardé cette semaine et que je vais essayer de vous faire deviner. Alors, j'espère justement pas trop vite. Malheureusement, ça arrive souvent. Pour ça, je vais vous passer des petits indices sonores, donc soit des musiques du film ou des morceaux de dialogue. Et vous allez essayer donc de retrouver ce film. Si vous l'avez trouvé, ne donnez pas le titre tout de suite, mais essayez de donner des petits indices à vos petits copains autour de la table. Retour vers le futur. C'est pas ça. Et surtout, n'hésitez pas à prendre des trucs avec vos petits copains autour de la table. J'adore. Bon, la semaine dernière, je dis des camarades. On me dit, ouais, tu fais chiffon rouge. Aujourd'hui, je change de truc. On me dit autre chose. Bon, alors, je peux vous dire que le film a fait 765 166 entrées au box-office français. Oh, c'est pas énorme. Hein. Qu'il a eu 4 nominations, une aux Oscars et 3 au BAFTA. Mais il n'a rien gagné. Ah. Alors. Film français ? C'est un film qui n'est pas français. D'accord. Il est sorti le 28 août 1985. Un mercredi. Merci, Odissa. C'est la seule chose que je sais. Voilà, c'est ça. Alors, je suis pas d'accord avec toi parce que des fois il y a des avant-premières, c'est pas le mercredi. Hein. Ouais, mais je parle toujours des sorties officielles. Voilà, hein. Merci Sherlock. D'accord, ok, bon, bah, c'est tout. Hein. Alors, je vais vous passer le premier titre. C'est une musique du film. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? On dirait du Eric Serra. C'est pas ça. Est-ce que la musique Vangelis ? Vangelis. Pas du tout. Ah ouais, c'est marrant ça. C'est pas ça. Alors ouais. je peux vous dire le titre, c'est Loved by the Sun, et c'est par John Anderson et Tangerine Dream. Ouf. Je savais pas. D'accord. Ouais. Alors. Ah, Tangerine Dream, si. Ouais. Si. Ah, il chante dedans. Ouais. Alors c'est un film de science-fiction. Il y a eu un Oscar ? Non, non, il n'a pas eu d'Oscar. Il a été nominé aux Oscars. C'est c'est un peu science-fiction, mais je vais te dire un petit truc après, c'est que il y a un petit piège en fait avec cette musique. D'accord. Alors je vais vous passer peut-être un extrait du film. C'est celui-ci. Je suis le Seigneur des Ténèbres. Il me faut la consolation des ombres et l'obscurité de la nuit. Seul le soleil peut me détruire. Tout ceci doit changer. Ce soir, le soleil se couchera pour toujours. Il n'y aura plus jamais d'aube nouvelle. Est-ce que ça a un rapport avec Queen ? Avec Queen ? Non, ouais, pas non, du tout. C'est pas lui. C'est ah, tu penses à Flash Gordon ? Ouais, c'est bah, pas Flash. Ouais, ouais, ouais. Alors non, parce que Flash Gordon, justement, toute la BO du film, c'est Queen qui le fait. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Ils ont même sorti un album... Et il y a Michael qui nous suit sur Facebook et qui m'a déjà sorti une connerie tout à l'heure qui pourra me confirmer que toute la BO du film est faite par Queen. Mais d'accord. Là, c'est pas ça. D'accord. Alors, je connais juste le sample qui a été repris juste du texte Le Seigneur des Ténèbres ouais. Pour Pleasure Game. Ouais. Donc, ah oui. Non. Hein, donc, le deuxième titre après ah, le oui. Dormeur. Et d'ailleurs, il y a une phrase dedans qui dit « Mon Dieu, c'est plein d'étoiles » Exactement. Dans le film. Certainement. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, oui, oui, bien sûr. Bon, mais je pense que tu pars sur un mauvais film. Ah, peut-être. Non, peut-être, ouais. peut-être. Mais il ressemble. Hein, en tout cas, on ne parle pas de l'épice. Non, pas du tout. Non, parce que ouais, non, c'est un film Oscar. Ouais. Et ça, j'en avais déjà parlé. Celui-là, c'est donc le film Dune, j'en avais déjà parlé. Il y a eu 16 Oscars ou 12. Non mais mon Dieu, c'est plein d'étoiles. C'est pas dans Dune. Ah bon ? Non, non, c'est pas dans Dune. Ah bon ? Non, non, non. D'accord. Ok. C'est dans alors, deux. C'est dans deux. Alors, je commence à en avoir marre de cette émission de merde. Des animateurs. Alors, je vais vous passer une autre musique du film. Oh non. Bah. Ce coup-ci, c'est non. Alors là, c'est Brian Ferry qui chante. Ah, écoutez bien. Roxy Music. Oui. Alors le titre, c'est Is Your Love Strong Enough? Ça vous évoque quelque chose ? Non. Toujours rien. Ok. Non, non, du tout, non. Bah, c'est bien. Bah, ouais, ça, moi, ça me fait plaisir pour une fois. Moi, t'as bossé. Ouais. Oh, salaud. Tu nous as pas encore pris un truc facile histoire de faire ta chronique rapidement. Alors, on est d'accord, non, c'est un film tout. Américain. C'est un film américain, ouais, exact. Alors, et je vais même te dire que la musique est de Jerry Goldsmith. Ah, oui. Lui, très ouais. Connu. Grand très compositeur. Connu, ouais. Alors, je vais vous passer un autre extrait. C'est un extrait de dialogue. Écoutez bien. Rien de fâcheux ne t'est arrivé. J'ai fait voir à Lily les deux licornes. Tu as fait quoi ? Elle n'a fait que la toucher de la main. Toucher, dis-tu ? Une mortelle a osé toucher une licorne ? Jacques ! Crois-tu que tu renverseras l'ordre universel sans en payer le prix ? Elle ne pensait pas à mal. Ce que j'ai fait est fait. Mais je l'ai fait par amour. Par amour, dis-tu ? Mais l'amour est une toute autre affaire. Réponds à cette devinette et on ne te fera plus de reproches. Mais alors, est-ce qu'il y a un point commun avec Rain Man ? Oui. Eh bien oui, évidemment. Tu l'as trouvé peut-être. Eh oui, carrément, carrément. Et je vais même te dire que j'ai eu l'occasion de voir l'un des costumes du film en vrai. D'accord. En Angleterre, tu dois connaître d'ailleurs à Camden Town, où il y avait, ils vendaient justement le costume. On dirait que tu parles chinois. Camden Town. Mais oui, évidemment. Bah, ouais. D'accord. Harry à stage là faisait la licorne. Bah oui. Harry a joué dedans. Mais c'était un de ses premiers films d'ailleurs. Oui. Ouais. Exact, ouais. C'est ça. Et le pire, c'est alors, que je suis certain, ouais, je vois. Je vais vous donner quelques titres, enfin quelques noms d'acteurs. Il y a Roberto Picardo, Annabelle Lannion, Kieran Shaw, Peter O'Farrell, Cork Hubbert, Billy Barty, Alice Playton, David Bennett. Je vais même vous donner la grosse voix qu'on entendait tout à l'heure, c'est Tim Curry. Ah oui, il y a Tim Curry, j'adore. Tim Curry, donc vous qui voyez jouait qui, le rôle de ça. Entre autres, enfin, il est revenu et surtout ça. Dans Horror Picture ouais. Show, là, c'était terrible. Ouais, il a joué dans ça, c'est vrai. Ouais. Et oui, c'était lui le clown. Exact. Et dans Maman, j'ai raté l'avion aussi. Oui, aussi, exact. Oui. Dans le 2. Dans le 2. Il joue le 2, il joue le rôle de, du mec qui a l'accueil. C'est ça, absolument. Ils font un beau couple. Alors, donc... Moi, je les aime bien. Non, mais Tim Curry, c'est. Oui, je vois qui. C'est une face, c'est une gueule. Quoi. Bah, le clown de ça, ouais, sur. Ah, ouais, énorme, énorme. Ah, oui, mais il est bon. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, bon, oui. Mis à part Harry, forcément. Eh ben, je vais passer encore une autre musique. C'est encore de Tangerine Dream. Écoutez bien. Tu peux donner un autre indice ou pas? Vas-y. Nicole Kidman. Oui. D'accord. Exact. Elle a un rapport avec un des acteurs du film. Oh, bon, c'est pas le premier avec qui elle a un rapport. Hein. Alors, toi et moi. Ça, de Tangerine Dream, ça, c'est donc une musique du film, c'est le Unicorn Theme. Donc le thème de la licorne. D'accord. Et je vais vous passer tout de suite un autre extrait qui n'est pas de Tangerine Dream, qui est de Jerry Goldsmith et qui est Unicorn Theme. C'est la même piste, mais jouée par Jerry Goldsmith. Avec plus d'instruments, j'imagine. Ouais, alors, le truc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un piège dans ce que je vous fais écouter. Tangerine Dream, on ne l'a jamais entendu en Europe. Mais pourquoi? Alors bon, on va peut-être donner le titre du film... Ah bah je ne sais pas, mais maintenant, là, tout de suite. Bah oui, parce que là, j'ai plus d'extrait sonore, donc on va donner... Je peux. Il y a que toi, de toute façon, qui l'a trouvé, vous je pense. Pas trouvé, hein. J'ai plus le titre. Vas-y. Légende, évidemment. Oui. C'est quoi? Légende. Avec Tom Cruise. Avec Tom Cruise et Mia Sara. Oh, oui. J'étais pas là. Un film de Ridley Scott. J'étais sur Dusty Hoffman quand il était jeune, qui avait joué dans un truc un peu héroïque fantasy aussi, où il semblait, il était mauvais à l'époque, il débutait. Alors donc, là, en fait, le pitch du film, c'est dans un monde imaginaire où la paix et l'harmonie sont maintenues grâce à la magie d'un couple de licornes, vivent la princesse Lily et Jack, un jeune homme pour qui la nature semble ne pas avoir de secret. Dans cette contrée, le démon Darkness, tapis dans l'obscurité, donc qui est joué par Tim Curry, n'attend qu'une occasion pour s'emparer des licornes et les tuer, ce qui engendrera une nuit éternelle. Les gobelins ainsi que l'amour que Jack porte à sa princesse lui seront d'une grande aide. Jack, avec l'aide des lutins et d'une fée capricieuse, devra tout faire pour rétablir ce qu'il a contribué à détruire, et ce avant qu'il ne soit trop tard et que Lily ne soit complètement pervertie par la méchanceté. Oh là là. Je me jamais vu ce film. Je regarde pas un souvenir mémorable, honnêtement. Non, alors, voilà. Effectivement, le film a pas fonctionné. Ouais. Pour te dire exactement, le film a été un échec commercial. Il n'a rapporté que 15 502 000 dollars pour un budget initial de 30 millions de dollars. À peine le salaire de Stéphane à l'année. Il n'y a même pas rapporté la moitié de ce qu'il a coûté. Ouais, voilà. Donc, il a coûté la moitié plus. Voilà, c'est ça. Donc c'était un bide commercial. Alors Ridley Scott, donc à l'idée de Legend, après le tournage en France des Duellistes, il se focalise ensuite sur Alien. Il prépare le projet Dune, finalement réalisé par David Lynch. Et donc déçu des projets non concrétisés, il veut développer son idée de conte mythologique. Ridley Scott veut cependant que le scénario soit original et basé sur aucune histoire connue. Il fait appel à William Holzberg. L'auteur est séduit par l'idée et ils évoquent alors le film de La Belle et la Bête de Cocteau comme influence. Ah bon? Ouais. Bon, ça y ressemble pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Bah j'ai regardé le film, je me suis dit, où est-ce qu'ils ont vu une influence là-dedans, quoi. Je sais pas, peut-être au générique, ils ont écrit, c'est la même police de caractère ou un truc comme ça. Peut-être, je sais pas. Ah, je pense que tout bien. Alors, donc en 81, peu de temps avant le début de Blade Runner, Ridley Scott et Holzberg passent 5 semaines à élaborer une histoire provisoirement intitulée Legend of Darkness. Et une fois Blade Runner achevé, le réalisateur revient sur le projet et avec le scénariste procède à de nombreuses réécritures, même encore pendant limite le tournage, quoi. Alors, il existe au moins 3 montages différents du film. Il existe un montage américain où la musique de Jerry Goldsmith a été remplacée par des compositions du groupe Tangerine Dream, donc ce que je vous ai écouté, ouais. Plus axé sur l'action et que le réalisateur ne reconnaît que du bout des lèvres. Lui, c'est pas son truc. Et en fait, c'est les studios de cinéma qui ont demandé un truc qui était plus. Et c'est Ridley Scott qui était derrière tout ça. Oui, c'est Ridley Scott qui était derrière. Rien à voir avec ce qu'il a fait après, quoi. Enfin, non, pas du carrément tout. Carrément pas. Un deuxième montage, donc, qui est européen, donc plus conforme à ses souhaits, avec notamment la musique de Jerry Goldsmith. Et un troisième montage qu'on a appelé Director's Cut, conçu pour une sortie DVD aux USA. Donc qui est sorti en 2001, où il est possible de découvrir pourquoi Jack, à un moment, est soudain couvert de sueur en plein milieu de sa scène avec le personnage de Gump de l'épine de miel, interprété par David Bennett. J'ai pas tout suivi là. Gump l'épine de miel. Gump de l'épine de miel, c'est son nom dans le film. D'accord. Après, okay. Je te rappelle que c'est pour ça qu'il a fait 15 millions de machins. Hein, c'est que... voilà. Ensuite, il faut savoir que le cri de la licorne que l'on peut entendre dans le film, c'est en réalité un enregistrement de chants de baleine à bosse. Ah ouais. On entend effectivement les licornes, bon c'est des chevaux avec une corde hein, qu'ils ont mis clairement, on oui, les c'est... entend hennir à un moment, mais quand on les entend venir, on entend un cri de baleine à bosse. Venir ou hennir ? Venir. D'accord, venir. Le tournage de Legend a été interrompu lorsque le plus grand plateau du film, donc c'était le décor de la forêt, a brûlé lors du tournage de Dangereusement Vôtre qui se déroulait juste à côté. C'est vraiment pas une bol. Hein. Wow, ouais. Donc ce fameux plateau au studio Pinewood a d'ailleurs été rebaptisé des Albert Air Broccoli 007 Stage. Air Broccoli, attention. Ouais. Le reste de Legend a donc été tourné sur un autre plateau construit à la va-vite. Et enfin... il faut savoir que Johnny Depp et Vanessa Paradis ont déclaré lors de diverses interviews avoir prénommé leurs deux enfants Jack et Lily Rose en hommage aux deux héros du film interprétés par Tom Cruise et Mia Sara. Oh, c'est beau. Ah ouais, d'accord. Ouais. Eh ben, bah au moins il l'a vu. Bah bravo. On est parti loin parce que là, on l'a pas trouvé. Donc vous l'avez vu Non, je l'ai pas vu. Tu as pas vu? Non, celui-là non. Bah je le conseillerais pas trop parce que c'est fade. C'est, ouais. Philippe 4, tu l'as vu? Non, un peu fait chier. Non. Du tout, ça me dit rien. Bonissa ? Ouais, bah non. Enfin, toi, depuis la grande vadrouille, évidemment. Mais, Je l'ai pas vu non plus. Non, déjà. Bah, ok. Je te promets. Toi, c'était histoire sans parole, c'est ça hein? Non, histoire d'eau. La grande bafouille. En plus, il va chanter. Ah ouais, excuse-moi, j'arrête de chanter. Ouais, bah, je me doute. Elle nous y tient avec son club de Dorothée. Ah oui, moi j'y tiens. Et puis j'ai revu, je suis désolé. Enfin, va laisser. Ah, cette fameuse émission, bah, tu vas nous en parler justement. C'était chouette, franchement. Eh bah, ils étaient précurseurs dans plein de choses. Hein. Oh là là. Merde, elle va nous en parler. Et bah, tu sais quoi, tu vas nous en. Ah bah, non, attends, on va poser la question à Stéphane quand même. Les gens, tu t'en rappelles ou pas? Non, du tout. Alors, moi, pour la petite info, pour la petite anecdote, et c'est vrai, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, Flipkat, quand je suis allé à Camden Town. Ils vendaient effectivement donc l'un des costumes du film. Alors je sais plus combien ça coûtait à l'époque, mais je crois que c'était 15 000 livres le costume au marché. Hein. Au marché. Alors sous verre. Enfin bref, le costume que Tom Cruise porte à un moment dans le film. Donc voilà, je l'ai pas acheté. Hein, c'était un peu cher hein, quand même. Puis tu rentrais pas dedans. Ouais, il est pas grand à ça. Pas pour le porter parce que vu ce que c'est, c'est Tom, pas terrible. Ouais. Eh bien, écoute, merci à toi, mon ami Sherlock. Mais je t'en prie. Merci. J'ai pas réussi à te coller encore. Hein. Non, mais ça va venir. Ça va venir. Mais tu sais, tu nous sors un petit Emmanuel, un petit. C'est à partir du 4, hein, Emmanuel, dans les années 80. Eh oui. On se confond souvent. Hein. Ah ouais, c'est avant. Hein, le premier Emmanuel, c'est en 74. Mais ce serait bien un moment, ça me ferait rire, tiens, tu fasses un petit truc Emmanuel 4. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Alors au niveau du dialogue, enfin au niveau du pitch. Il va reconnaître trop vite. Hein. C'est vrai. Alors un petit extrait audio. Ah, Emmanuel 4. Tu fais bien la licorne qui est nique. Baleine à bosse. Eh ben écoute, ce que je te propose, Sherlock, et puis surtout Stéphane, c'est que on découvre la deuxième session du Défi Mix 80. Ah oui, avec plaisir. Ouais, parce qu'avec un tirage au sort comme ça, j'ai hâte de l'entendre. Franchement, je cherche même pas, ça va être à l'arrache, puis on verra bien quoi. Tu vas démarrer quoi? Bon, on va démarrer tranquille avec Jean-Jacques Lafont. Ah bah oui, oui. Parce qu'après, on verra bien. Après le géant, il s'écrase. Allez, c'est parti. C'est une belle chanson. Hein, c'est une belle chanson. Ah ouais, mais en soirée, c'est un peu compliqué. En boîte, c'est difficile à dire. C'est ça. Allez, c'est parti. Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la cale des vents.

Time to be alone. This is the sign of the times. These are what you come. Bonsoir, vous êtes avec Pogo sur Radio RQC 80 à l'heure. Non mais ça va pas la tête. Pourquoi devenir Canon il connaît lui. Comme tous les gens de mon voilà. Bon. Et des aventures. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai, j'en ai rencontré un, il la connaissait pas. Oui, bah, ouais. Alfred évidemment on la connaît pas encore, mais. Oh si, si lui. On va arrêter nos conneries parce que là. Ouais. Ça devient presque indécent pour Nice, ça, parce qu'on va la faire passer pour ce qu'elle n'est presque pas. C'est vrai, carrément. Donc voilà, vous êtes toujours dans l'émission, donc 80 à l'heure sur RQC 95 FM, comme tous les mardis soirs de. De 19h30. Non. Alors, 22h30. Allez, quoi. Ah ouais, vous avez pas fait la mise à jour. 16h30. Non, ça, c'est l'heure où elle pense. T'aimes bien Chiffon Rouge, toi. Oui, ils sont très sympathiques. Mais ils auraient pu nous inviter à la raclette, quand même. Ah, ça, je confirme. C'est rentré chez moi. Je me suis endormi avec l'idée d'une raclette en tête. Au bar. Ah ouais, au bar, je te dis pas à chaque fois. Si t'avais été là, t'aurais succombé, quoi. Vraiment. On t'aurait suivi, hein, je te promets. D'ailleurs, on les remercie pas parce que apparemment il y avait du rab, ils nous ont rien laissé. Ouais, ils ont tout remarqué. Ouais. Non, ils nous il y avait du rab. Bah ouais, c'est bien. Mais c'est parce qu'ils savaient que tu étais musulmane. Donc du coup, non, je suis pas non, elle mange halal. Cochon, je mange tout. Onissa, c'est musulman, tu rigoles quoi? Non, Anissa. Onissa, c'est une pierre grecque, je te l'ai déjà dit. Veux-tu bien écouter pour une fois? Et enregistré, parce que dis donc, tu comprends vite, mais il faut expliquer longtemps. Hein. Eh ben, vous savez, depuis 3 minutes, vous nous faites un talk show à la Moupette Show. Là, j'imagine les auditeurs. Non, mais c'est ça. Mais nous, moi, je suis en train de regarder, je suis comme devant ma télé. Hein. Onissa, c'est un surnom. Non, c'est mon vrai prénom et j'assume. C'est vrai. Oui. T'as jamais intenté un procès à tes parents? Je l'attendais, celle-là. Si toi, t'avais intenté un procès à tes parents pour ta tronche, tu serais millionnaire. C'est une bonne idée, ça. Je peux te tutoyer? Moi, je profite justement que vous me passez la parole pour vous parler de la troupe Tendance qu'on avait reçue. Et en fait, ils présentent le dimanche 11 décembre leur spectacle Demain, c'est Noël. Oui, voilà. Oui. Et il faut savoir qu'en fait, ils offrent une place. Donc, il suffit d'aller sur leur site. Donc, c'est Troupe Tendance, T-E-M-P-S-D-A-N-S-E, tout collé. Troupe Tendance de Waterloo. Si vous voulez gagner une place pour le dimanche 11 décembre 2016, il y aura un tirage au sort. Il suffit d'aller simplement sur leur page et cliquer sur l'affiche marquée j'aime. Voilà. Et donc vous aurez automatiquement la possibilité d'être tiré au sort. Ça n'aime pas quand c'est au sort. Donc voilà. Parce que un peu de ressort, c'est mieux. C'est un très très beau spectacle. Donc voilà. Si vous avez envie de gagner une place, quand on dit une place, je suppose que c'est avec l'enfant aussi. Voilà. D'aller voir un très beau spectacle de Noël. Oui, et moi, j'aurais aimé y aller d'ailleurs. Et tu sais très bien nous sommes nous, en spectacle aussi. Voilà. Oui, puisque la troupe Évasion spectacle se produit mercredi, samedi, dimanche, mercredi, samedi, dimanche. Ouais, mercredi. Alors, on n'arrête pas. Tu m'as deux représentations. Mon ami que samedi, on va jouer deux fois. Et oui, absolument, à Saint-Omer. Et nous allons jouer deux fois. Et voilà. Il y aura deux représentations. Mercredi. Et faut pas oublier quand même que ce week-end. C'est le défi extrême de Marjorie. Hein. Ouais. Absolument. Oui, Marjorie de Mulier qui va faire. Suit, Marjorie, évidemment. Ouais. Qui fait un coucou. Marjo, oui, on est tous avec toi. Hein. Attends. Je l'ai croisée tout à l'heure, il y a une heure, elle était à l'arrêt de bus à Moucron. Ah, elle fait un coucou, oui, c'est vrai, je passais en voiture, elle était en pleine forme. Hein. Moi, j'ai quand même. Ah ben non, on l'oublie pas, mais on va la suivre, évidemment. Puis de toute façon, elle va nous envoyer régulièrement, il y aura des vidéos sur sa page pour nous montrer un peu tout ce qu'elle fait. Et encore une fois, effectivement, parce que c'était une belle rencontre. Bah Marjorie, je sais pas si toi Stéphane, tu as eu l'occasion. Alors non, là j'ai pas suivi. C'est une nana extraordinaire. C'est une nana extraordinaire, en fait, tout simplement, on peut le dire. Hein, c'est une nana qui a une jambe. Une jambe qui répond plus, en fait. Hein, bah oui, elle est handicapée d'une jambe. Elle a une prothèse d'ailleurs, une prothèse. Ah, puis elle a eu des opérations, enfin bref. Si, je pense qu'elle a une prothèse. Non, d'accord, c'est possible. Oui. Je sais pas, je pense pas. Non. Je pense pas, non, c'est. Non, c'est juste la maladie en fait qui. Qui fait que sa jambe. Elle a une paralysie. Voilà, en tout cas, elle est très courageuse parce qu'elle se lance dans un défi. Elle va escalader donc une montagne. Elle va faire du canyoning. Elle va faire de l'apnée dans de l'eau glacée. Elle va descendre en rappel. L'apnée sous glace. Donc c'est une. Et elle écrivait ce matin sur son Facebook, à nouveau, elle est gouvernée par la foi, et elle est aussi gouvernée par le fait de se dire que de toute façon, tous les 5 minutes, elle a presque envie de se dire « Pourquoi je fais ça, j'abandonne ?» Et c'est sa foi, cette envie de réussir, se dire « Puisque j'en suis là, je continue et je le fais. » Et je trouve ça beau, c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un qui a un courage. Rien n'est impossible à celui qui croit, elle dit toujours, et elle a raison. Et elle a raison, c'est vrai. Je crois. Toi et moi, rien n'est impossible. Oui, j'y crois encore. Tiens, Onissa, tu nous parlais. Ça vous dérange pas de faire un enfant pour, après pour changer complètement de sujet. Tu nous parlais du Club Dorothée tout à l'heure. Ah oui, dis donc, moi j'ai regardé. Enfin, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a regardé l'émission. Non, j'ai pas regardé, mais nous, on n'a pas les chaînes tordues. Et bien, quand même, franchement, t'apprends plein de choses sur cette émission. Et alors il... qu'est-ce que t'as appris justement? Et c'est eux qui ont fait le premier duplex, enfin tu sais, qu'ils ont contacté l'espace. Alors t'imagines les gamins à cette époque-là. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, je suis de ton côté là, je me souviens très bien de ça. Écoute, ils ont fait un duplex directement avec la navette, je sais plus quoi. Oui, voilà. Et Challenger, je pense. Vraiment le retour et tout. Ah si. Oui, tout à fait. Ils ont, même eux, ils y croyaient pas d'ailleurs quand ça a marché, parce que la première fois ça a pas marché, la deuxième fois ça a marché, ils ont une réponse. Mais alors, ils étaient tous ébahis. Mais t'imagines les gamins à cette époque-là, on discute avec l'espace. Quoi. Ils posaient des questions directement. C'était fini. Absolument. C'était avec les frères Bogdanov, Igor et Grishka. Non. C'était. Mais au moment où tu balances ça, je me souviens très bien. Mais ils ont fait des trucs. Alors, en plus, ils n'avaient pas de moyens. Ils n'avaient pas. Tu voyais que l'équipe, quand ils avaient besoin des figurants, hop, ils prenaient la maquilleuse, le truc, hop, et tout le monde était parti. Vraiment, tu vois vraiment. Ce qu'on a comme émission maintenant, soi-disant le super direct, c'est quand même. Ils ont quand même mis. De sacrer. Ah oui, c'est clair. Ah si. On a eu l'occasion d'ailleurs d'en parler avec François Corbier à l'époque. Il n'a pas forcément de très bons souvenirs. Oui. Il a des souvenirs, mais bon, lui, il veut tourner la page. Mais lui, il faisait ça, c'était pour gagner de l'argent, clairement. Clairement. Non, que là, tu vois quand même que c'est une équipe qui était soudée, ils étaient partants, pas comme nous, quoi, en fait. Ils étaient partants pour plein de choses. Parce que toi et moi, on est soudés. Non, mais on n'est pas tout seuls, nous. Hein. Tu sais qu'on n'est pas seuls ce soir. Bon, fais abstraction. Ferme les yeux. Bon, comment c'est 50 pompes. Ça vous dirait pas de tirer un coup pendant qu'on fait l'émission? Non, mais on va la finir. Enfin, on va la finir. L'émission. On va commencer déjà. Attends. Non, mais franchement, c'était une belle émission et t'apprends plein de choses. Allez, génial. Ils ont failli tous mourir d'ailleurs. Tu sais que c'est grâce à un fumeur qu'ils ont eu la vie sous. Quoi, Challenger? Non, ils ont brûlé. Hein. Non. C'est grâce à un fumeur qu'ils ont. Ouais, écoute, ils ont fait un tour du monde. Tu sais, plein d'émissions, soit en direct. Ouais. Et quand ils sont revenus, en fait, ils devaient prendre un avion. Et il y a un fumeur. Allez, il y avait des. À ce moment-là, il y avait encore des vols fumeurs et non fumeurs. C'est vrai. Et il y avait un fumeur. Il dit attends, c'est bon. Donc en fait, il y a deux nanas d'équipe qui ont changé de vol. Sans prévenir les autres, puisque ils ont dit il n'y a qu'une demi-heure de battement, ceux qui nous attendent à l'aéroport, il n'y a pas de problème. Et l'avion, il s'est crashé, celui qui devait prendre. Donc t'imagines, tu arrives à l'aéroport, c'est la banane, ils reviennent du tour du monde. La banane, ouais, j'imagine. Ouais. Et. Ah non, commence pas. Et. Sherlock est mort. Et tout le monde, il se demandait, et tout le monde était d'enterrement ici et là, et en fait, ils devaient être morts, ils devaient tous mourir. Donc il remercie encore maintenant, à ce jour, quand même. Il remercie le fumeur. Je suis désolé, mais moi, ça m'a touché. Bon, et cette émission, tu l'as vu où, cette émission, finalement? Sur RTL TVI. D'accord. Je crois qu'il n'y a que Onissa et 3 personnes en Belgique qui reçoivent l'émission. Eh bien, moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs. C'était chouette. Non, mais sérieux. Non, mais c'était une émission très éducative, avec Dorothée qui avait fait du porno, d'ailleurs. Oui, mais ça, ils n'en ont pas parlé, quand même. Et vous savez que l'anecdote avec Dorothée, c'est qu'elle a vraiment fait du porno, donc je peux le dire à la radio, et en fait, quand elle a voulu être speakerine, parce qu'avant, tout, c'était sur Antenne 2. Antenne 2. Quand elle s'est pointée et tout ça, ça fait un tollé monstrueux à l'époque, parce que Ah oui, les speakerines, elles étaient... Les gens avaient peur de dire, ouais, c'est... petit monde parce qu'ils n'étaient pas censés regarder du porno. Donc c'est ça qui était rigolo à cette époque, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont dit ouais nananana, mais ils pouvaient pas trop parler, ça voulait dire oui mais on la connaît comme truc porno, ah bon mais t'as vu ça où, parce qu'à l'époque c'était un peu spécial quand même. Elle a fait de l'érotique. Ah non non non, elle a fait du porno, elle a fait du porno, bien sûr que si. Ah oui oui, elle a fait de Dorothée, elle a fait du porno bien sûr. Il y a une vidéo de Dorothée en train de faire du porno et puis elle pourrait... Ah non, c'est pas du porno hein, du... Non, c'est du porno aussi, mais je te le dis. Oui bien sûr, ça moi je savais pour Catherine Ringer, mais je pensais que Dorothée c'était plus de l'érotique. Ah non non non non non, quand ça rentre dedans, c'est plus érotique, c'est du porno. Ah ouais. Ah oui oui, oui. Si si. Donc c'est Dorothée, c'est Frédéric Auchébé hein, son vrai nom à Dorothée. Ouais. Non, mais si jamais il y en a qui veulent rechercher sur internet. Saucisse partie. Saucisse partie. Oh, il y a longtemps que tu ne nous as pas parlé. Saucisse partie. N'empêche, j'ai vu la bande-annonce. Pouh. J'étais mort de rire. Ah, bah j'ai vu le film. Mais. Mais il n'y a rien du tout. Hein. Mais il faut savoir. Ouais, j'ai vu le film, effectivement. Et il faut savoir que. Il y a la Manif pour tous. Oui. Qui est en guerre contre ce film. Parce que le film est interdit aux moins de 12 ans en France. Aux États-Unis, il a été interdit au moins de 17 ans. Oui. 17 ans aux États-Unis. Ah, 17, ouais, ouais, 17 ans, ouais. Et le truc, en fait, c'est que voilà, il y a des. Il y a des trucs qui se passent dedans, ça se finit en orgie. Alors tu me parlais justement du grand méchant, tu me demandais oui, ce que c'était. Quoi, c'était. Alors j'ai appris ce que c'était par une autre radio. Oui. C'est une poire à lavement vaginal. Voilà. Mais, rigolez pas les gars, parce que si vous regardez le dessin animé, essayez de savoir qui est le personnage, parce que je me demandais ce qu'il veut. C'était quoi ce personnage avec sa pipette au-dessus? Ouais, c'est ça. Donc, c'est une poire à lavement vaginal. T'as vu à quoi ça ressemble maintenant? Alors, dis-moi, Onissa, comment ça se passe la poire à lavement vaginal? Bah, écoute, je oui, ne sais pas. Ça n'est pas sale. Véro, comment ça se passe? Ton corps change. Ton corps change. Sherlock, comment ça se passe une poire à lavement vaginal? Vous imaginez la mission d'aujourd'hui? Il faudra la réécouter. On est en train de parler de lavement vaginal. Non, mais vous, les mecs. Apprendre une voix. Il va nous tomber dessus. C'est ça. Il va nous tomber dessus en disant. Mince, j'ai oublié d'enregistrer l'émission pour le podcast. Ouais, n'empêche, c'est quand même de ta faute, Canon. Parce que moi, je parlais du club Dorothée, t'es parti sur du porno. Bah, j'ai dit simplement, non, je me souvenais qu'à l'époque, c'est vrai que Dorothée a fait du porno, ça avait fait un scandale quand elle avait voulu être speakerine, et ensuite, elle a évolué jusqu'à être quand même animatrice d'un truc pour enfants. Tu ferais ça à notre époque, maintenant, c'est... Le porno, culturellement, serait plus admis, mais tu partirais dans le domaine de l'enfance et tout ça, ça ferait un tollé encore plus formidable, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est rigolo, quoi, c'est des choix d'époque, quoi. Merci. Vous savez, je m'exprime. Ah bah si. Tu mets un mec aujourd'hui qui a fait dans le porno et tout ça, qui fait une émission pour enfants, ça plairait pas trop. On n'est plus dans. D'ailleurs, à l'époque, Rocco sur du lit, ça ferait pas trop. Hein. Exactement. Et à l'époque, quand elle a voulu être speaker, qu'on lui expliquait que c'était pas possible à cause de son passé, elle avait dit, elle est dure à avaler celle-là. le retour de fait. Toi, je préférais quand tu te taisais. Alors, c'est avant de retrouver évidemment donc les sorties cinoches de notre ami Sherlock. Sherlock, eh ben on va refaire un tirage au sort, évidemment, donc du Défi Mix. T'arrêtes de tout de ma gueule, toi. Défi Mix 80, eh ben on va tirer à deux, tiens. Allez, on se tire. Oh bah. On va tirer à deux. Ça marche. Je les tire pour toi. Non. Si, je les tire pour toi. Ouais. Allez, vas-y. Hop, je les tire pour toi. Hop, hop. Ouais, mais il en faut trois si on est que deux. Non, après il y a Flipkart qui va tirer. Ah oui, Flipkart aussi il se met à tirer. Alors, à trois, c'est vrai. Voilà, tout part à volo dans cette émission, c'est pas possible. Il y a Flipkart qui va tirer. Il y a tout l'honneur. Stéphane, je rappelle-nous un peu le principe. Flipkart qui va tirer, oui, voilà. Montrez. C'est pas ça le truc. J'attends un moment de. Tu sais, c'est pas facile. Bah ouais, je sais, je me doute. Alors, je vous fais confiance pour un tirage au sort, donc de 6 titres années 80, 6 styles différents. Pour une troisième session qui s'annonce déjà d'emblée épique. Épique. Ouais, moi je confirme. Allez, Onissa, à toi l'honneur, droit d'aînesse. C'est mieux que le lait d'aînesse. C'est ça. J'allais le dire. Pardon ? C'est plus sain. Et c'est très bon, le lait d'aînesse. Bon alors, j'ai tiré. Serge Gainsbourg. Ah bon? Ah, c'était toi? Love on the Beat. Tu m'étonnes qu'il s'est suicidé. Non, mais allô. Love on the Beat. Allô. J'ai fait Serge Gainsbourg et c'est un titre en anglais. Lemon Incest. Oui, tout à fait. Non, fait bah ça, Love on the Beat. You're under arrest. Oui. Oula. Under arrest. Bah, c'est sur le même album d'ailleurs. Non, c'est sur le même album. C'est pas la Marseillaise? Non. Non, non, non. Non. Non, c'est... mais il y a un mec qui chante avec lui. Un et c'est le même album, c'est vrai, Love on the Beat, tout ça. C'est ça, c'est ça. Alors, you're under arrest. You're still the best. Surge. Et après, Matt Bianco, More That I Can Bear. Ah, c'est connu, mais. I Can Bear. Tom, tom, tom, tom, tom. Et cette émission, elle part en sucette. Et vous savez que j'ai. J'ai les. C'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Et vous savez que j'ai les yeux fermés depuis deux minutes et j'écoute. Écoutez, attends. J'entends là. Ouais, non. Là, t'entends. Et là, tu. Ouais, vas-y. Et là, ouais, parce qu'on a. C'est une émission de malade. Mais les gens qui nous écoutent, soit ils sont morts de rire, soit ils sont en train d'appeler notre président. Rico, adoré, que je salue. Matt Bianco, d'ailleurs. Je vais vous mettre juste les premières secondes, c'est ça. Bah, c'est pas ce qu'on a dit. Voilà, c'était juste les premières secondes. D'accord, ok. Clip 4, à toi de jouer. Oui. On va commencer par la mauvaise nouvelle. Les dites en français, non. Ah merde, non. Oh, mais ça, j'aurais adoré que ce soit les formes. Non, c'est pas une mauvaise nouvelle. Elle est belle, celle-là. Ouais, bon, bah, oui. François Feldman avec Rien que pour toi. Ah merde, j'ai vu la laine. Tu peux le chanter. Mais bien sûr, je sais que je la connais pas, donc. Moi aussi. Ah non, rien que pour toi. Tout avec le gamin, machin. J'adore, c'est le contraste. Rien que pour toi. En fait, j'ai refermé les yeux. Je crois que c'est Sherlock qui est déchaîné aujourd'hui. On l'entend jamais. Là, il est complètement déchaîné. On avait le sosie de François Feldman qui faisait partie de cette émission, hein, d'ailleurs. Non, non. Oui. Feldman. Dans 20 ans. Il comparait à Patrick Juvet, je dirais. Il ressemblait plus à Nono le robot. Et alors d'ailleurs, en parlant de François Feldman, est-ce que vous avez regardé le Téléthon? Non. Parce qu'il y a longtemps aussi. Non, parce que ils sponsorisent les experts. Justement, parce que il y a le groupe Kids United qui a refait la même chose. Hein, c'est pas vrai. Là, samedi, si, ils étaient en train de chanter et il y a un des jeunes de Kids United qui fait allez, tout le monde debout. Non. Levez-vous. Si, je vous assure. Levez-vous. Bon forcément, ça s'est mal passé par rapport à la critique, mais il faut savoir que les gens, même les myopathes qui étaient là, l'ont pris à la rigolade. Mais quand t'es myopathe, ça veut dire que t'as simplement la moitié des jambes. Myopathe. C'est comme les oiseaux migrateurs. C'est comme les oiseaux migrateurs. Ils se grattent qu'à moitié. J'en connais d'autres qui sont psychopathes, mais bon. Je ne connaissais pas. Tu vas critiquer notre mauvais show. Non, mais. Clip 4. Allez, deuxième. Alors, je connais pas du tout. Jamtronic avec featuring Nikita Warren. Moi non plus, je connais pas ça. Non, je connais pas. Bah nous c'est non, c'est Another Day in Paradise. Composé, je crois. Ah, Another Day in Paradise. Oui, c'est ça, c'est la reprise de Phil Collins. Exactement. Le titre, oui, ça me parlait, donc c'est ça. Mais par contre, je connais pas du tout. Jamtronic fit. Alors, moi. Attends, c'est Jamtronic fit Nikita Warren. Featuring, ça veut dire. Oui, accompagné. Oui, mais Another Day in Paradise. Oui, c'est bien la chanson de Phil Collins. Alors, moi, une chanson. Mais l'un et l'autre, je connais. J'adore, franchement, c'est Toto Coelho, évidemment. Oui. Milk from the coconut. Ah. Et ça, j'adore. You take, you take the milk from the coconut. You take the milk from the coconut. Et ben, je vais me marrer encore, Vincent. From the coconut. Ouais, toi, you take the milk. Ah, j'adore. Non, mais j'adore cette chanson. Mais ouais, d'ailleurs, tu prends le lait de la noix de coco. Voilà. C'est un peu con comme chanson. En français, ça ferait bizarre. Mais c'est un peu tendancieux comme titre. Je sais pas. Il n'est pas marqué You take the milk from the Sherlock. Alors ensuite, voilà, la compagnie créole. Oh là là. Ça fait rire les oiseaux. Oh, si, on va s'amuser là. Ça fait rire les oiseaux. Nanana. Ah, t'es bien tombé là encore. Oh ah oui, ben bah voilà, c'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel. Et bah Stéphane, pour toi. Un bon courage. Et bah c'est parti. J'ai jamais entendu un bordel pareil à cette émission. Et ça continue. Mais d'habitude, t'en fais partie, mais t'as l'air un peu fatigué. Non, c'est j'écoute. Tel couple, Tamourouzi et machin, là, qui se tapaient le couple. Marie-Laure Gris. Ah, c'était au. Ah ouais, oui, Mourouzi et Marie-Laure Gris. Ah ouais. Oui, Marie-Laure Gris. Non, mais non, écoutez. et, prochaine session. Et ben moi je vous propose pour que Stéphane puisse se préparer, c'est justement de faire une pause musicale et tu penses pas si bien dire parce que c'est Paul Hardcastle featuring Yves Mourouzi avec 19 et ensuite Murray Head avec White Night in Bangkok. Alors attends, le titre c'est vraiment 19. Ouais, c'est 19. Parce que normalement, t'as la vraie version, ouais, c'est 19, mais c'est après, 19, avec Yves Mourouzi, c'est en français. Ouais, ouais. 80. Donc, ouais, c'est 19. 19. Voilà. 19, pardon. 19. Allez, c'est parti. Ouais, pardon. Ah, attends, je vais mettre le son avant. Putain, maintenant, Nagui Lux, c'est la technique. Et, putain, les rachets sont sur Simone. Et on a Simone Garnier à côté de nous. Et c'est qui fait la vache? Bah c'est toi. Ah bah, et qu'est-ce qu'il fait Léon Zitrone? C'est Pache. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Bon, allez, c'est reparti maintenant. En 1965, la guerre du Vietnam ressemblait à n'importe quelle autre guerre, mais n'avait rien à voir. Elle était différente, pour bien des raisons, et les combattants aussi étaient différents. En 39-45, l'âge moyen des soldats était de 26 ans. Au Vietnam, ils en avaient 19. Au Vietnam, ils en avaient 19. Au Vietnam, ils en avaient 19. Au Vietnam, ils en avaient 19. 19. Les plus durs combats des deux dernières semaines se poursuivent en ce moment à 40 km de Saigon. I wasn't really sure what was going on. 19. Au Vietnam, les combattants, en principe, s'étaient relevés tous les ans, mais devaient subir, presque chaque jour, l'épreuve du feu. Un porte-parole américain a déclaré aujourd'hui que plus de 700 ennemis ont été tués la semaine dernière le long de la zone frontière. Dans l'ensemble du Sud-Vietnam, l'ennemi a perdu au total 2689 soldats. Américaine, plus de la moitié des anciens combattants souffrent de ce que les psychiatres appellent des troubles consécutifs à un choc dramatique. Beaucoup se plaignent de cauchemars, de traumatismes et certains succombent à des idées suicidaires. 8 à 10 ans après leur retour, près de 800 000 hommes ont encore le Vietnam dans la tête. Aucun d'eux ne fut reçu comme un héros. Aucun d'eux. Thank you. show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean Spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, in the world's blockbuster, the bars are temples, but the pulse ain't free. That's a drag, it's a bore. It's really such a pity to be looking at the bar, not looking at the city. What do you mean? You've seen one crowded, polluted, stinking town. City girls, warm and sweet. Sweet Somerset up, make the Somerset warm, sweet. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in Bangkok makes the heart man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in Bangkok and the tough guys stumble. Can't be too careful with your company. I can feel the devil walking next to me. More than would a muddy old river or reclining Buddha. But thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Et oui, vous êtes bien sur RQC. Ça va, ça va. Merci, vous entendez pas, je vois de retour. Oui, vous êtes toujours sur RQC 95 FM. Et plus pour longtemps. Et puis, oui, on n'entend pas de Harry. Non, Harry rote. Non. Non, il allait ok. J'adore. Non, je vous rassure. Oh là, ah si, Harry, ça va être drôle. Ah, si, alors, j'explique à nos auditeurs, il y a Harry qui est en train de nous faire un malaise en direct. Tu vas peut-être vomir aussi, si on a de la chance. Oh. Oh, si. Okay. Ça va être l'émission tous les dangers. Oh, mais si, c'est rigolo, Harry. Hein, il faut que tu parles avec le hockey, c'est si très drôle. Si tu peux épargner le matériel. Il faut que tu arrives à parler entre deux hockey, en fait. D'habitude, tu... D'accord. D'habitude, tu fais des paix. Pour une fois, hey, à l'instant, il aurait fallu voir la tête de Steph H qui était inquiet. Il se disait, il va me gerber sur mes platines. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Il y en a rien à foutre qu'il soit malade. C'est juste qu'il tient ses platines. C'est vrai que mais je suis pas malade, juste le hockey. Bah ouais, c'est ça. C'est pas grave. J'adore. Bah écoute, heureusement que tu le dis parce que vu ta tête, je pensais que t'allais gerber. Ah non, non, non, pas du tout. C'est pas parce que je suis à côté d'Onis. Bah non, ça c'est. Non, moi quand je vois sa tête, ça me donne envie de gerber. Bon, hey, reprenez un peu le fil de l'émission là, les gars. Devenez sérieux. Allez, on va se recentrer. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Je vous remercie pour ce tirage au sort magnifique. Ah, maintenant, que ouais. Maintenant que tu parles plus, il va peut-être avoir un fil guide. Hein. Donc, il est 22h. À ma montre, oui, c'est quoi, quartz. À partir de 22h, on peut commencer à dire. Oh, on peut se lâcher. Qu'est-ce qu'on va aller voir au cinéma? J'adore Flip 4 qui dit j'ai sur ma montre quartz. Ouais, ouais, tu as pas ça, ma montre Seiko quartz? Ils le refont. Hein, ils le refont. Ouais, ouais, ouais. J'écoute une certaine radio. Oui, exactement. Vous souvenez des lampes alu argentées avec un écran noir, quand t'as appuyé, ça devenait rouge. Oui, c'était un style à quartz, quoi. Mais t'appuyais, en fait, la lampe, ça devenait rouge et ça te montrait l'heure, évidemment. Mais ça fusillait tes piles tous les 15 jours. Ça te flinguait. Au niveau des montres. Ah oui, il y a l'affichage digital. Donc, digital, ça devenait rouge. Quand la nuit, j'éclairais ça, mais t'avais pas de pile pendant 15 jours, ça valait la peau des fesses. Allez, il fallait changer la pile tous les 15 jours. Voilà. Et oui, les mecs, non, j'essaie de gagner du temps, mais malheureusement, il va falloir passer à la chronique cinéma de Sherlock. Il faut absolument y passer, les mecs. Mais si, vous le savez, le CSA nous a dit, on a un quota d'handicapés, il faut les passer. Donc, moi, je veux Society Party. Il y a plus. Que se passe-t-il, R2? On m'appelle déjà pour la chronique. Mais je pensais que c'était à 21h. Non. Ah bon, d'accord, la chronique a changé de place, c'est pas grave. Il se fait un délire tout seul, lui. Bah ouais, mais c'est ça, hein. Mais t'as raison, hein, de toute façon. Donc oui, effectivement, je vais vous parler des sorties ciné pour la Belgique et la France pour demain, donc 7 décembre. Et je vais commencer avec la Belgique, avec le film Papa ou Maman 2. Donc forcément, c'est la fille de Papa ou Maman 1. Bonne part. Et c'est toujours avec les acteurs Laurent Lafitte, Marina Foïs et Michel Abitboul. Ah mais c'est Bibit qui... C'est John Bibit qui... C'est pas John Tibit qui l'a fait. Et c'est pas le cousin de Susboul, non? Non, c'est... Alors, ça a été fait par Martin Bourboulon. Comment tu veux faire une émission? Qui est d'ailleurs le beau-frère de Bourg-la-Reine. Est-ce que votre édition existera encore en 2017? Parce que c'est peut-être ma dernière chronique. Hein. Je me dis que c'est peut-être. Donc, deux ans se sont passés depuis les dernières aventures de nos deux comparses. Et donc, après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce, par contre. Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Et donc, le match entre les ex-époux reprend de plus belle. Donc, c'est une comédie française. Hein, Une merde, quoi. Bah non. Alors, non. C'est justement, dans les comédies, on est bon en France. Je crois que c'est même là-dedans où on s'en tire le mieux. Dans les films de science-fiction, on est des daubes. Mais dans les comédies... Luc Besson, on sort un peu du lot. Mais, ouais, c'est vrai. Il nous sauve. D'ailleurs, il va aux États-Unis faire ses films. C'est bon, en plus. Non. Il fait ça sur... Non, pardon, peut-être pas géographiquement, mais bon, vas-y, fais ta connerie. Il prend des acteurs américains. Il prend quand même des acteurs américains. Effectivement. Bah oui, évidemment. Ensuite, je vais vous parler du film Demain, tout commence. C'est avec Omar Sy, Clémence Poésy et Gloria Colston. Alors, Clémence Poésy, pour ceux qui ont vu Harry Potter et la Coupe de Feu, c'était la petite française dans le Harry Potter. et c'est un film de Hugo Gélin, ça sort également en France demain. Donc Samuel, donc, qui est joué par Omar Sy, vit sa vie sans attache ni responsabilité au bord de la mer, sous le soleil du sud de la France, près des gens qu'il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Bon, on fait pas d'amalgame, hein, Non. C'est Omar Sy. Voilà, donc jusqu'à ce qu'une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, qui s'appelle Gloria, et donc c'est sa fille. Incapable de s'occuper d'un bébé et bien décidé à rendre l'enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver. Sans succès, on les retrouve alors 8 ans plus tard. Alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer la fille. Oh, merci beaucoup. Oh là là là. Ensuite, donc pour les sorties France, bon, ça sort également en Belgique demain, il y a le film Premier Contact, c'est avec Amy Adams, Jeremy Renner et Forest Whitaker, c'est un film de Denis Villeneuve. Donc lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l'espace surgissent un peu partout sur Terre, là je crois que ça va faire plaisir à Flipkat, une équipe d'experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l'énigme que constitue leur présence et leur message mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l'humanité se retrouve bientôt au bord d'une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n'ont que très peu de temps pour trouver des réponses. Premier contact. Bonjour, je m'appelle Banks, je suis linguiste. J'adore. Ah, ouais, ouais, ça, ouais, y est, ouais. Ça y est, ça y est, touché là. J'adore les terriens. J'adore les terriens. Donc pour les obtenir, donc ces réponses, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait non seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain entier. Ah bah attends, là, les obtenir. Alors, et je vais finir avec le film. Carole Mathieu. C'est parti. Non, pas du tout. Mais j'invite les gens à aller le voir. Hein. Franchement, il faut le voir. Il faut le voir pour se faire sa propre. Non, il faut le voir pour le croire. Aussi, mais il faut le voir pour se faire sa propre opinion. Je vais y aller avec Nissa, ouais. Ouais, bah, franchement, pourquoi pas. Le film dont tu viens parler, on est d'accord. Hein, sur, Premier contact. Oui. Et ça, c'est en fait, c'est tiré d'une des incidents des lumières de Phoenix en Arizona en 97. Ah, c'est ce que j'ai vu qui était voilà, passé sur Facebook. Exactement. C'est pas un remake de le comment La Grande Vadrouille. Non, qui a été fait en 1985 là. Signe. Ton. Ouais, c'est un peu le remake de ça. Rencontre du troisième type. Je sais pas là-dessus quoi. Rencontre du troisième type. Oui. Non, c'est relatif aux incidents. C'est ce fameux ovni en fait. Il y a eu des lumières qui sont apparues, qui ont été vues par diverses personnes, filmées. Ouais. Les gens pensaient que c'était une flotte d'ovnis et en fin de compte, il s'est avéré que non, c'était un ovni triangulaire qui était d'une surface supérieure à un terrain de foot en fait. D'accord. Et c'est basé sur les incidents de Phoenix en fait, en 97. Bon. Wow. Ok. Et ouais, donc j'en étais. John Wayne. Ok. Et donc je vais finir donc avec le film ouais, Carole Mathieu. Donc c'est avec Isabelle Adjani, Corinne Maziero et Lies Salem. C'est un film de Louis-Julien Petit. On n'a pas encore de date pour la Belgique, je ne sais pas s'il va sortir. Donc c'est Carole Mathieu qui est médecin du travail dans une entreprise aux techniques managériales écrasantes. Elle tente en vain d'alerter sa hiérarchie des conséquences de telles pratiques sur les employés. Il a l'air d'être bien ce film. Avec Adjani ? Ouais. Ah ouais, franchement Adjani ? Il a l'air d'être bien. Ah bon ? Ouais, il a l'air d'être bien, alors franchement. Et donc, lorsque l'un d'eux la supplie de l'aider à en finir, Carole réalise que c'est peut-être son seul moyen de forcer les dirigeants à revoir leur méthode. Donc, elle. Non, mais c'est vraiment, ça a l'air d'être un film très très bien. Non, mais vraiment. Mais j'adore. Parce que, franchement, excusez-moi, j'ai le. Arrête la Beuclair. J'ai vu la bande-annonce. Oui. Mais Adjani, elle est. Exceptionnel dans ce rôle-là, vraiment. Non, quelle horreur. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Excuse-moi, Anissa. Tu sais, tu viens de jouer quand t'as dit exceptionnel. Non, franchement, Adjani a l'air de jouer vraiment un très très bon rôle, vraiment. Et sincèrement, j'ai vu la bande-annonce et ça me donne vraiment envie d'aller le voir. Ah ouais, tu m'étonnes. Et Adjani a pris un sacré coup de vieux. Oui. Et elle l'assume. Enfin, dans le film, elle l'assume. Et c'est ça qui est bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oh non, continue, c'est drôle. Voilà, et ben écoute, moi j'avais que ces films là à vous proposer. Voilà. Donc, vous iriez voir quoi alors? Oui, Vanessa, tu irais voir quoi avec moi? Moi, c'est parti. Non, c'est pas, j'étais pas posé. Tout commence. Je t'ai pas demandé ce que tu voulais faire avec moi. Demain, je t'ai demandé quel film tu voulais voir. Hein? Demain, tout commence. D'accord. Pareil. Johnny alors? Non. Ah, c'est avec qui alors? Omar Sy. Omar Sy. Ah oui, oh non. Oh si. Non. Bah alors on n'ira pas à deux. Non. Bah non. Donc Stéphane Ben demain tout commence. D'accord. Ah ben on ira à deux. Hein. Exactement. Hier. Sur All of Site hein, évidemment. Bah on fera ce qu'on veut s'il te plaît. Hein. Flip 4 ? Ah bah sans hésitation. Premier contact. Sans hésitation. Sans hésitation. Sans hésitation. Sans hésitation. Excusez-moi, c'est ce que j'ai. C'est ça. Sans hésitation, ok. Sans hésitation, premier contact. Et Canon ? Bah moi j'aurais bien été voir le premier contact, mais comme ils sont en hésitation, je vais peut-être aller voir autre chose. Ah non, ouais. premier contact, ouais. D'accord. Ah ouais. Enfoiré. Stéphane, lui, il l'a déjà dit. Hein. Mais tu suis c'est demain, pas. Tout commence. Oui, t'es vraiment à côté de tes bons. Hein. Ouais. Et toi, t'irais voir quoi, ton Véronique, hein. Qu'est-ce que t'irais voir? J'irais voir le film avec... Papa ou Maman 2. Papa ou Maman 2. Ah. D'accord. C'est les trucs de femmes, ça. Quoi? C'est clair. Papa, maman? Souvent. au bout de deux mois, ouais. Souvent. Non, moi non plus. Mais par contre, voir quoi? Avec Adjani, vraiment. Vraiment. D'accord. Parce que c'est un film, ça fait plutôt biopic d'ailleurs, le film. Ouh. Mais vraiment sympa. C'est un sujet actuel, c'est d'actualité avec les problèmes des chefs d'entreprise. Ouais. Elle s'occupe de virer les gens, machin. Uh-huh. Ça a l'air pas mal. Ça ressemble plus à un téléfilm qu'à un film, faut être honnête. Oui. Voilà, ouais. Je pense que peut-être que aller au cinéma pour aller le voir, peut-être pas, mais parce que ça, bah, ouais, dans 6 mois ça sortira à la télé, mais honnêtement, je trouve qu'elle a un rôle où elle le tient bien. Il y a une profondeur dans le film, je trouve. Hein? Il y a une profondeur dans le film. C'est vrai. mais dès que je dis un truc, on dit ça les bordes de rire. Mais non, mais non. Mon petit pulmarine, tout au fond de la piscine. Non, mais Adjani m'a étonné parce que, en fait, elle est vraiment pas jolie dans ce film. Elle n'est pas très belle. En fait, elle est vraiment, voilà, c'est une Adjani, l'Adjani de son âge, quoi, parce que d'avoir une certaine année. Hein? Qui a pris de la bouteille. Ah ouais, carrément, je sais pas où, mais en tout cas... Tous les gens de 50 ans s'allient à moi, Harry, pour te dire on t'emmerde. Ouais. tu viens de dire, non. Elle est vieille, elle est pas belle, comme bon, elle a quand même absolument 50 pas. Ans. Non, elle assume son âge. Tu m'entends très mal, parce que je vais dire non, c'est pour faire ôter, Non, ça y est, c'est fini. Parce que dès qu'on parle à Adjani, moi j'ai plus le hockey. Mais Adjani, pour moi, c'est non, un peu, on se tapette un peu, machin, il faut avouer que c'est la grande dame, et tout ce que tu veux. Et là, dans ce film-là, j'ai l'impression que, ça y est, elle revient un petit peu, elle s'est mise à nu, voilà, et elle n'est pas tirée par quatre épingles, elle n'est pas très jolie, hein, honnêtement, dans le film, elle n'est pas très très jolie. Enfin, après, c'est ce qui rend son rôle très profond, quoi. Non, mais c'est vrai, souvent c'est comme ça. Voilà, donc tu vois qu'il y a de la profondeur dans le film, oui, c'est ce que ça, je disais. Non, c'est sérieux, quand tu as des actrices comme ça qui se mettent à nu, tu as une autre. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. T'as une autre dimension. Mais et toi, Sherlock, tu irais voir quoi? Ouais, bah peut-être Carole Mathieu aussi. C'est vrai que le. Non, non, le, ça a l'air le, d'être le sympa. Film m'a interpellé quand même. Enfin, la bande-annonce m'a interpellé. Ouais, Sherlock, viens me voir. Sherlock, il passe et les films l'interpellent. Sherlock, viens me voir. J'ai un film pourri. Viens. Bah, écoute, c'est pour ta chronique. Merci à toi, Sherlock. on va accélérer quand même. Parce que là, bah oui, il y a le défi mix là qui attend. Là. J'adore avec Harry, il faut accélérer blocs. Comme ça le temps il place plus vite. Tu sais, non, c'est pas ça. C'est que il va nous faire son défi. Le passe-temps très vite. Le temps pax. Hein, le temps passe vite. Hein, ouais. Oh, B, que le temps passe vite. Voilà. Non, c'est quelle heure. Dans le sens de Sherlock, non, quelle heure est-il au juste? Oh, B, que le temps passe vite. C'est beaucoup mieux. Bon, on va tirer. On va tirer. Alors, on l'a déjà fait. C'est fait le tirage au sort. C'est déjà fait. On vient de tirer. On a tiré quoi? Bah oui, ça fait rire les oiseaux et tout ça. Ah oui, ça fait rire les oiseaux. Ça y est, reparti. On a remis dessous à la rionissante. Ça fait rire les oiseaux. Est-ce qu'on a mis une clause dans le contrat d'Onissa ou pas? Non, mais dans la chaîne. Est-ce qu'on peut renouveler sa période d'essai? Parce que je vais faire comme Stéphane, je vais venir qu'une fois tous les 3 mois. Harry, par contre, dans la tienne, il y en a une, on culbute pas les animatrices. En quoi? On culbute pas les animatrices. Jamais. Disons, ça changerait le règlement, chien. Je ferais dire que je partage mon micro avec Onissa. Ouais. Parce et on partage que ça. Hein. Voilà. Pour c'est... l'instant. Close numéro 1. Bon, allez. Ouais, c'est les soirs. C'est ma fête. Bon, bah écoute, on va y aller. Mais vas-y, tu peux commencer. Je vais leur baisser le micro et puis basta. Hein. On va démarrer le défi mix par deux. C'est un remix de Phil Collins de Another Day in Paradise. C'est sorti en 89. Alors, le groupe, c'est Jamtronic featuring Nikita Warren. Honnêtement, non. Enfin, pour moi, pas connu. La musique qu'on entend derrière, c'est une boucle qu'on entend dans Rise, Break for Love. C'est un morceau qui est aussi des années 80, qui est sorti certainement donc un peu avant, hein, il devait être de 87. C'est un peu la musique qu'on retrouve aussi dans If Only I Called de Sidney Youngblood, qui a repris, je pense, la musique de Rise également. Donc... Oh. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Eh ben écoute, attends, et puis après, ça va être cool aussi. N'oubliez pas hein, sur Facebook, nous balancer des coms sur les chroniques évidemment de Stéphache ou sur nous, enfin sur nous, sur Stéphache. Ce que vous en pensez, surtout n'hésitez pas à nous balancer vos coms. Donc sur la troisième session et la dernière très certainement donc, de Stéphache pour cette année. Exactement. Cette année, en tout cas, allez, c'est parti Stéphache, à toi de jouer.

Oh, déjà repartir. Retrouver l'aventure qui n'aurait pas dû finir. S'il y a du gris dans tes nuits ou des larmes dans ton cœur, la musique est là pour ça. Il y a toujours une merveille ou des jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça porte bonheur. C'est magique, un refrain qu'on reprend tout son cœur. Et ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages. On n'est pas sur nous. Merci, c'était dernier. J'espère. Oui, oui. Merci qui? Wow. Quelle ambiance. Ce super. Mais c'est Stéphane qui nous l'a mis cette ambiance. On peut reconnaître, honnêtement. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Ouais. Oui. Alors, et par contre, bon, on remercie évidemment Stéphane pour cette dernière session. Est-ce qu'on a quelques petits messages sur Facebook? Ce serait sympa. Ouais, n'hésitez pas à balancer vos commentaires. Oui, voilà. Ouais, alors attends. Ah bah oui, il y en a quoi. Ah, voilà. Quand est-ce que ça s'arrête? c'était le coming out de... D'accord. Ok. N'hésitez pas à balancer. Alors non, on a un conseil, chers auditeurs, en ce moment il y a des virus, hein. Donc surtout, ne laissez jamais votre compte ouvert Facebook. C'est ça. Souvenez de vous faire. Il y a un petit message de Cédric Doy. Ouais. Bah oui, parce que j'aime la page Jackie et Michel. Ouais. Donc il y a Canon. Il y a Canon qui m'a noté depuis le temps que tu nous en parlais. En fait, tu le révèles. Enfin, tu te révèles, merci. Ah ouais, parce que j'ai noté Jackie et Michel, je me sens seul. Voilà. Enfin, non, tu diras. Sans Jackie. Non. Ah oui, Jackie, ouais. Sans Michel, je me sens, ouais, seul. Tu diras, pour moi. Tu diras, on remercie Cédric, cet auditeur. On sait pas qui c'est. Ah non, c'est vrai. Un pervers, pas, mais. Un pervers, certainement. Pervers pépère, on l'appelle. Ah bah d'accord. Est-ce qu'on a eu des messages au passage ou pas? Non, à part ça, non. Et t'entends ce qu'il dit? Comment on m'appelle pervers pépère? Et pervers, si, pépère, non. Tu viens ici. Non, je déconne. On a eu un message de Michael qui nous suit et qui a réagi par rapport au dernier Défimix, enfin celui qui était passé juste avant avec Jean-Jacques Lafont avec le titre Le géant de papier, oui. et qui nous dit que Jean-Jacques Lafont, ce grand compositeur à qui on doit, vient voir un petit coup à la maison de licence 4. Ah oui, et pour pas être crédité sous son vrai nom, il a demandé à se faire appeler Gigi Fallon. Donc Fallon, Lafont, tu vois. Ouais, bon. Moi, c'était Didius Fallus. Je pensais douter, bah oui. Donc voilà, et ben merci beaucoup Michael pour toutes ces précisions. Ben, Mike, on te fait un gros coucou au passage, évidemment. Et un gros bisou, Michael. Toi, oui, mais pas moi, hein. C'était gentil. C'est moi, je parle en mon nom. Ouais, j'imagine bien. Et nous, on n'y a même pas droit. Bon. Oui. Eh bien, et on va terminer l'émission là-dessus, sur cette. Ça fait rire les oiseaux. C'était sympa, alors, franchement. Ce défi mixte-là, le dernier, il était vraiment. Merci. Pour les fins d'année, c'est bien. T'as des choses de prévues en fin d'année ou pas? Non. Une petite soirée quand même, quelque part. C'est quoi le. Quoi? Quoi? Elle dit ta gueule. C'est quoi ce truc, je sais pas. Ça s'appelle une tablette. Non, mais. Et après, tu m'entends. La base virale a été mise à jour. La base, ouais. Donc, t'as pas de petite soirée? Non, alors si c'est ça que tu voulais savoir. Non, pas de soirée de prévue pour l'instant. Non, pour la Saint-Sylvestre, non, rien de prévu. Là. Non. Ah, bah, c'est bien triste. Bah oui, quand même. Bon, alors, tu te reposes sur tes pénates, là. C'est pas bien. Ah, hein. Ça y est, on va se faire. On va te secouer un peu. Non, mais attendez, 2017. Bon, ça va. Bah, tu nous reviens déjà, c'est sûr. Eh oui, et d'ailleurs, premier mardi de la nouvelle année, je pense qu'il va tomber le 3 janvier. Ah, tu pars en week-end cette fois-ci. Et on vient. Évidemment, Onyxa vient avec le champagne, évidemment. Mais j'en bois pas, tu m'arrêtes, toi. Moi, je c'est pas un problème. C'est pas pour toi, c'est pas pour moi. Je ramène que ce que je bois. Donc, vous avez du choix entre du Schweppes agrume. Du Fono. Ou du Fanta. Putain, ça doit être cool, la nouvelle année chez toi. Mais elle boit pas au Nissa. Quand tu fais la fête chez toi, ça doit être génial. Bah oui, au moins, on tient longtemps, on s'écroule pas sur le canapé. On dit ça, quand tu dis ça, c'est moi que tu dois regarder. on s'est fait une soirée, Onissa et moi, d'enfer, et Onissa était en forme. Mais à la fin, bah même si on était cassé. Mais attends. C'était horrible. Ah bah moi, je trouve que votre émission de télé... sur une table. Et votre émission de show réalité est plutôt pas mal quand même. Ouais. Non, on va non, pas non, dire télé-réalité ouais. Parce qu'on a la radio. Mais Onissa ne boit pas. Mais non, ce soir-là, elle a bu. Ouais. Elle a fini chez moi dans un état. Bah, je me doute si t'étais là, oui, j'imagine. Elle a pété la table. Un grand moment. C'était bon. Normalement quelque chose de privé. C'était quelque chose. Oui, non, alors, mais ça y est. Ça n'est plus. Ouais, tu sais, à cette heure-ci, on n'a pas d'auditeur. On s'est bien marré. Bon, allez, les gars, on va se quitter là-dessus parce qu'évidemment, le temps tourne et puis, voilà, et c'est comme ça. Et puis, on passe un très, très bon moment. Le temps de remercier tout le monde qui était autour de la table. Alors, je pense que celui qu'on peut remercier, c'est la cerise, c'est le gâteau sur la cerise. C'est notre ami Stéphane, évidemment. Eh oui, bah, écoutez, merci. Voilà, pour le début de 80 ce soir. Tenez le coup jusqu'à la fin de l'année, parce que parti comme c'est, il y a encore. 3-4 émissions. J'adore, c'est le gâteau sur la cerise. Il marche pas à 4 pattes. Tu sais, on relève plus. Hein. Non, c'est la crème de la crème de l'élite de la cerise sur le gâteau. C'est ça, ouais, c'est ça. Et bon. Qui s'y frotte ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, donc rendez-vous si tout va bien le 3 janvier 2010. Mais t'as tout intérêt parce qu'on va fêter la nouvelle année avec toi. Évidemment, et ce serait peut-être bien d'ailleurs que on se fasse le 3 janvier une émission festive. Absolument. Que des musiques Je ne serai pas là. Pour... Ah, c'est pour ça. Ah, je ne serai pas là le 3 janvier. Ah bah c'est cool. Bon, c'est vraiment une émission festive. Oui, c'est pour ça que je... Non. Pourquoi t'es pas là? Je suis pas là. Je suis ailleurs. T'étais en vacances? Pas là. Non, je suis pas là. J'ai un événement important. Beaucoup plus important que cette émission, la con. Ils sont mignons. Vous me faites sérieux, Canon, on est de tout cœur avec toi pour ta coloscopie. Oui, oui. Ah non, ça s'est fait. C'est ma vasectomie, là, le 3. D'accord, ok. Mais on est de tout cœur avec toi. Non, mais déconne, tu seras là quand même. Non, je serai pas là, le 3. Bah non, il vient de le dire. Non, je serai pas là, le 3. C'est pour ça que je lui dis, tu me dis je serai pas là. C'est bien parce que là, Onissa, elle a pas le micro, elle dit des conneries, donc ça m'arrange. Bon, allez, je vous écouterai. Bon, on va laisser les deux vieux du Muppet Show. On va les retrouver la semaine prochaine, même heure, même endroit. Mon garbitou. Ouais. Ah, Piggy. J'adore. Il y a le dur pet froid, le Muppet Show. Allez, vas-y. Eh ben, donc on se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Donc on n'a pas d'invité la semaine prochaine, je pense. Non, bah, hein. Ils sont plus, ils font les fêtes. Hein, oui, ben voilà, oui, parce que la semaine prochaine, on sera déjà donc tard. Donc voilà, on sera le 13. Ah, bien sûr. 13 décembre. Ouais, 13 décembre, voilà. Grosse semaine de Noël après. Et puis on va vite arriver à Noël, donc merci à tout le monde, merci à Stéphane évidemment pour le Défi Mix 80. Donc Stéphane, ouais, bien assuré, hein. Je serai pas là non plus le 27. Le 27 quoi? Mardi 27. Mais enfin, il y a le 20 entre deux, le 20 décembre. De quoi? Il y a le 20 décembre. Oui, le 20 je serai là, mais le 27 je serai pas là. Mais c'est pas grave. Bah, ça va aller. Je vous vois pas pendant trois semaines. Ouais, sérieux. Et tu sais comment on dit en anglais on voit pas Canon pendant 3 semaines à l'émission de RQC? Yes! Ah yes! Qu'est-ce que je vais être bien 3 semaines. Bon, moi je vous embrasse. Bisous Canon, bisous Philippe 4. Bisous. Merci pour ta belle chronique. Oui, ben, je suis désolé. Vraiment pris non, par le temps. Non, mais je sais, t'es pris par le boulot, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai dépêché la dernière minute, c'est pour ça que j'étais pas de cours. Non, mais il n'y a pas de souci. Merci aussi à Onissa qui nous parle du Club Dorothée toutes les semaines. Donc, voilà. Donc la semaine prochaine, tu nous parles du Club Dorothée. Peut-être pas. Non, elle va nous faire une chronique chaque semaine sur chaque personnage du Club Doro. Ouais. Ah ouais, mais il y a du boulot. Framboisier, tu nous fais une petite chronique sur Framboisier. Ah ouais, parce qu'il y en a à dire sur Framboisier. Bah oui, forcément, il est mort maintenant. Bah il est mort. On est bien. Non, mais non, Framboisier, c'était un grand producteur. Non, moi, j'en ai bien. Il a produit le groupe Matmata. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et ouais, sous le nom, parce que son vrai nom, c'était pas Framboisier, forcément. C'était Claude Chamboisier. On va arrêter. Et on dirait une émission d'Ivron qui va se terminer à minuit. Le cercle de minuit. Bon, allez. Merci à Stéphane évidemment pour le défi. Merci. T'as déjà dit, je pense. Ouais. Eh ben, on va terminer en musique. Évidemment, restez à l'écoute de RQC. Vas-y, on t'écoute. Avec Yazoo et Don't Go, partez pas. Restez sur l'antenne d'RQC. Rejoignez-nous la semaine prochaine, même heure, même antenne. Vous allez voir, ça va être avec terrible. Allison. Hein? Avec Allison. Quoi, Allison? Allison Moyette. Qui est la Non, alors attends. Oui, ouais, si, si. C'est la chanteuse de Yazoo. Ouais, bah. Ok, d'accord. Voilà. Non, je croyais que c'était une autre personne qui faisait l'émission à notre place. Je fais merde, on m'a pas mis au courant. Ah non, mais c'est parce que, encore une fois, si vous voulez découvrir une chanteuse des années 80, Yazoo, vous tapez aujourd'hui sur internet Allison Moyette. Elle chante super bien, et encore mieux maintenant. Et oui. Elle a changé même physiquement. Oui. Parce que vous regardez le clip des années 80 quand elle chantait Don't Go ou Situation, vous la revoyez aujourd'hui. Oh, c'est dégueulasse. Ah, tu fais ça à la fin. Ah, j'aimerais pas. Ah non, mais sérieux, non, sérieux. C'est bon. une très belle femme. Il y a une histoire qui t'amène à boucher la haine. Voilà. Bon. On devait écouter Yazoo, mais. Non, mais on a encore le temps de le faire avant de retrouver les scénettes à 23h. Ça marche. Allez, ils sont pour les scénettes. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit tout le monde. Allez, c'est parti. We'll be right back.